Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouveau live de Faucon Millenial, le podcast qui n'a aucune idée de ce qu'il va dire, un petit peu comme The Rise of Skywalker en fait. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui avec mon super équipage composé de Tuki. Bonsoir. Et les autres. Ah bah d'accord. Cool. Non, en fait, j'ai oublié leur nom, mais vous savez ce qui est bien avec la technologie, c'est qu'on peut faire ceci et avoir un overlay avec tous nos amis dessus. C'est incroyable. Alors du coup, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, Adrien. Ouais, super, on va faire un épisode sur un film génial, super, merci. Je vous rappelle que c'était un de ceux qui avait aimé le film quand on avait fait la review. Qui l'a vu trois fois et qui a le Blu-ray. Ensuite, notre cher Funeli qui est là pour faire chauffeur de salle. Est-ce que ça va tout le monde? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, est-ce que ça va bien, Funeli? Bah écoute, ouais. Enfin, est-ce après, que... j'ai pas regardé Rise of Skywalker, je l'ai écouté techniquement, mais je suis là. Matt, ça va? Et Ximnut, sortez-moi de cette cuvette. Ouais, notre pauvre petit Ximnut qui a des problèmes de micro et on le déteste, bien évidemment. Ce qui était raison. Déjà le cas avant. Y a quelqu'un? Ah, mais tu, ça marche. Tu faisais pas semblant? Oui. Absolument pas semblant, il y a Guinness qui a tapé mes genoux genre 5 secondes avant que tu commences le live. Il a arraché la prise micro, il a défoncé le dongle USB qui sert de carte son, la prise micro est pétée. Je sais pas comment ça fait pour marcher encore. C'est qui, tiens. J'en peux plus de ce connard. Mais il est comme toi. Somehow, le micro de Matt ne marche toujours pas. J'en peux plus de ce connard, j'en ai marre. Bref, ça remarche. Ah, et ouais, bonsoir tout le monde. Et oui, je suis aussi très content d'être là pour parler avec vous de ce gros film de merde. Oh là là, et tout de suite les insultes. Les non, insultes, mais ça tout va suite. Pas. Non, mais. Déjà, tu nous as forcé à le revoir, déjà, donc merci pas, connard. Alors, parlons-en de ça. Hein. je reviens de un mois de convalescence parce que j'ai eu une opération à mon oreille gauche. J'arrive, c'est bon, je suis prêt pour tourner un truc. Grushkov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ah, bah, ça tombe bien, on va pouvoir faire The Rise of Skywalker. Connard, va. Non, mais le mec, ça fait un mois qu'il a pas pu écouter quoi que ce soit. Le premier truc qu'il écoute, c'est ce putain de film, quoi. Comme vous pouvez voir, il y a aussi Palpatine et Faucon Millenial dans le truc, mais alors ne faites pas attention, c'est juste que Tuki est sur le même micro que moi, mais pas le... Votre casque. Enfin, de l'autre côté de la pièce, donc sur son propre casque. Et Faucon Millenial, c'est juste au cas où, c'est pour avoir une trace orale. Bah, c'est surtout que on est un équipage, mais il faut bien notre vaisseau aussi, quoi. Oui, c'est vrai. En passant, c'est des choses que tu peux masquer, Grushkov, dans le widget. Mais on verra plus tard. T'es vraiment un gros enfoiré. Mais non, mais attends, mais quoi? Mais tu sais que je te déteste en plus. Mais je t'ai envoyé le lien, il y avait des cases à cocher si tu les as pas cochées. Mais il y avait pas les gens en plus là. Ils sont arrivés à la fin. Bah, bon, ça suffit, vous. Oui, tu as manqué de présence d'esprit, c'est pas de ma faute. Stop les quéquettes. En parlant de manquer de présence d'esprit, on va commencer tout de suite à parler du film. Donc, on avait déjà fait un live à la sortie du film, et c'était un live à chaud, avec les émotions un petit peu partout. Ouais, je me souviens, parce que c'est vraiment... On n'allait pas bien, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai dit qui étaient bien dans le film à l'époque, et en fait, c'était nul à chier. J'ai revu le film hier aussi, parce que... Vous savez, quand je vous dis qu'on regarde, on regarde tous. Et donc, ça veut dire moi aussi. Donc, ça suffit, là, les insultes, Adrien. Est-ce que c'est compris? Mais si tu aimes te faire du mal, c'est ton problème, et t'as pas à nous forcer. Mais j'aimais pas ça. Mais j'avais même pas de glace à bouffer en le regardant. Mais je l'ai maté le ventre vide, je voulais manger avant, j'ai pas eu le temps, j'ai maté cette purge le ventre vide. Au moins du coup j'ai pas eu envie de gerber, c'est déjà pas mal, mais ni envie de tuer. Mais du coup voilà, on avait fait ça et puis depuis, je sais pas si vous avez remarqué, mais on en parle souvent hein, quand même dans nos épisodes Et je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu cathartique d'y revenir dessus, pratiquement pile poil 9 mois après. C'est la gestation, c'est long. Hein. C'est un beau bébé. Maintenant, on a un beau bébé de dépression qui est enfin sorti de nous. Et du coup, c'est pour ça qu'on est revenu ce soir. Et surtout, on a commencé le podcast en se disant « Ouais, même les trucs qu'on n'aime pas, on ne va pas devenir des haters, des trucs comme ça. » Et c'est vrai que là, on ne on savait pas qu'on aurait un aussi gros challenge face à nous. Et je me suis souvenu de notre épisode sur l'attaque des clones, que nous, enfin, je crois qu'il n'y a personne ici qui l'aime bien. Et bon, on n'a pas Ginger Force cette fois-ci, mais je me souviens que bah, du coup, c'était super positif parce qu'on rigolait du film et c'était pas haineux ou quoi que ce soit. Justement, en fait, je l'aime bien parce que justement, j'arrive à en rire et il me fait marrer et il est fun en fait. Il y a Obi-Wan, il y a Jésus-Obi-Wan. Jésus-Obi-Wan. J'ai revu le film il y a genre deux semaines parce que j'ai recommencé à regarder Star Wars avec une amie. Et donc, je me force un peu avec elle à regarder Star Wars. On a regardé donc Star Wars épisode 2. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment passé un bon moment maintenant que je sais qu'il y a 9 qui m'attend à la fin. Quoi. Mais oui, il y a Dexter aussi. Ça fait relativiser. Hein. Bien sûr, il y a Dexter et sa fameuse omelette. Ouais. On s'était amusé. On avait mis. Voilà, on avait inventé un nouveau film par-dessus le film, et maintenant, moi, quand je pense à l'attaque des clones, je pense pas au vrai film, je pense à notre épisode qu'on avait fait dessus. Un gros bisou à Ginger Force qui était avec nous pour cet épisode, c'était chouette. Ouais, mais qui n'a pas vu l'épisode 9 et on n'a pas voulu lui... Et d'ailleurs, en passant, si vous ne l'avez pas vu, alors on va spoiler à mort, mais très honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Je pense que je déconseille à quelqu'un de le voir s'il ne l'a pas vu. Ça vaut pas le coup. Ça va vous gâcher le 8, vous gâcher la postlogie, restez-en là. Enfin, vraiment, quelqu'un qui l'a pas vu, je lui dis, ben non, c'est pas la peine de le voir. Ouais. Parce que tu vas forcément être déçu, je pense. Enfin, c'est. Je sais pas, vous si le regarderiez quand même maintenant avec le recul Non, franchement, je l'ai. J'ai... C'est juste, il n'y a pas aucun plaisir à en retirer, même si je suis plus forcément en colère ou quoi que ce soit. Après, on en ressort, c'est juste une perte sèche de temps, je trouve. C'est pour ça qu'on est là pour en rigoler. C'est pour ça que j'avais pas envie de le revoir. C'est que je savais que j'allais me faire chier pendant 2h30, que j'allais juste ne rien en retirer. Alors, moi, je me suis pas fait chier quand je l'ai revu, mais vraiment, ça m'a fait mal. J'étais vraiment pas bien en ayant terminé. Je me suis dit, mais putain de merde, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Là, moi, j'ai un peu passé ce cap. Moi, je me suis dit, je regarde complètement détaché parce que sinon. Je vais retomber en dépression et c'est mais bon. Mais on a mis du temps à s'en détacher. Avant de commencer, je rappelle, enfin, avec Grushkov et avec tout le monde, on a mis, je crois, des mois. On se disait, on va faire tel épisode sur tel sujet. C'est presque un peu le 9, mais c'est pas le 9. On a essayé de trouver comment aborder le truc. On voulait en parler sans en parler. Je crois que pendant au moins 6 mois, on a toujours détourné le sujet. On a essayé de faire autre chose. On a fait un truc pour le 1er avril. On a essayé de faire d'autres thèmes parce qu'on ne voulait pas reparler du cœur du truc et de ce putain de film. Ouais, quand il est sorti en Blu-ray, je me suis dit, est-ce qu'on pour la sortie, on referait pas l'épisode ? Bah, le voilà, l'épisode pour la sortie Blu-ray, on le fait 5 mois plus tard. C'était pas facile, et je pensais pas qu'un film pouvait mettre dans cet état-là, si t'étais pas un petit blaireau de Reddit ou un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ouais, il y a plein de trucs que le film fait qui étaient des choses que je voulais qu'il se passe. Et quand je les vois, je me fais putain, mais c'est nul à chier. C'est... Il est mal fait, surtout. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup de choses très mal, ce film. Ouais. Et la première chose qu'il fait très mal, mais alors vraiment très très mal, c'est. Le crawler. C'est. Ouais. Alors, si tu veux, tu peux y aller, mais dès le début, bon, les morts parlent. C'est une bonne surprise pour tout le monde, pour toute la famille. C'est pour passer un bon moment. les morts parlent. Palpatine est revenu et d'ailleurs il parle sur. et c'est ça qui est génial, tu vois, on peut déjà se foutre de la gueule du film parce que on arrive. Les morts parlent parce que ils ont un podcast en fait. C'est le podcast de Palpatine qui fait sur en live sur comment ça s'appelle sur Fortnite. Et c'était c'est vraiment extraordinaire parce que ouais, ça fait référence à un truc qui était passé sur Fortnite. vous connaissez déjà mon aversion pour les crawlers, mais alors là, enfin, ouais. Quelque part, il garde ce côté un peu cheesy, un peu le truc un peu ringard, quoi. Les morts parlent, machin, tu fais, ça fait un peu. Ça fait vraiment. Les morts parlent, ouais, enfin, il y a un petit côté Clone Wars, tu vois, dans l'idée, dans la façon dont c'est amené, le machin, mais en vrai, enfin. Non, ça marche pas, enfin, c'est pas ça, pas maintenant, pas dans le neuf, pas. Ah bah, à la rigueur, avec une voix comme dans Clone Wars, ça aurait été plus drôle. Genre, bah nous, c'est ce qu'on a fait. Les morts parlent. Ouais, en vrai, les crawlers devraient être par, comment dire, vocalisés, enfin prononcés. Faut que tu regardes avec nous alors, parce que chaque fois qu'on regarde un Star Wars, on lit les paragraphes avec des voix comme ça. J'ai été super étonné hier quand on a lancé le film. Tuki qui a commencé à le faire quand même. Je me suis dit bon. C'était trop con. Ben c'est parti. Death speak. Mais le truc c'est que tu termines le crawler, tu finis, tu te dis oh merde, je vais passer un mauvais quart d'heure. Enfin, je vais passer deux trois heures. Tout le paragraphe sur Kylo était genre. Un paragraphe sur lui. Il veut tout le pouvoir. Moi je trouve cool. C'est vraiment le mec. En fait c'est vraiment genre le Kylo Ren que moi je veux, genre le mec qui part en mission tout seul et qui fait sa life en butant des méchants. Moi c'est ça que je voulais voir à la fin du film. Donc concrètement, là, en vrai, le voir un peu genre héroïcisé. Non, héroïque. Mais non, parce qu'on ne précise pas qui tue des méchants. Non, ça faisait vraiment il veut vraiment pas qu'il y ait de la concurrence, alors il va tuer les gens qui s'opposent à lui ou qui pourraient être un petit peu forts contre lui. Il est vraiment très très méchant. Mais le début du film, ça aurait dû être lui qui va voir Palpatox et qui le bute, genre vraiment au bout de 5 minutes de film. Et ensuite, tu remontes, il fait sa vie et c'est ce méchant. Voix, un message, un podcast exclusif sur les sites. un podcast. Oh, mais c'est un podcast de foot! C'est Exegol, celui que Ximnut il a dit là, avec Gaul, G-O-A-L. Bienvenue sur Exegol, je suis Tretros! on va parler un petit peu du prochain match de foot qui s'avère assez incroyable, qui va se passer directement ici au stade d'Exegol. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Dark Plagueis? Eh bien, elle ne nous regarde pas. voilà, donc il y a tout ce truc là, et du coup, ça commence directement sur Kylo qui bute des mecs. Mais alors ce qui est génial, c'est que t'as aucun contexte. Nous on sait parce que soit il y a quelqu'un du podcast qui l'a dit aux autres, soit parce que t'as reconnu la planète quand t'étais dans l'espace, mais genre ils disent à aucun moment que c'est sur Mustafar, qui sont juste à côté du château de Vador qu'on voit dans Rogue One, et que les mecs qui butent c'est des Sith, c'est des disciples de Vador. Le même genre de mecs qui sont dans le stade à la fin. C'est genre, juste des... En fait, ils butent des méchants. Littéralement, dans le film, les seuls gens qu'on le voit tuer, c'est des méchants. Mais tout ça, t'as pas le contexte. Tu vois juste le gars, il bute, il prend son Wayfinder qui est en fait, si vous avez regardé Rebels ou quoi que ce soit, en fait, de canon dans... l'univers de Star Wars, vous remarquez que les mecs, en fait, ils ont juste oublié comment ça s'appelait un holocron. Mais en fait, heureusement qu'on n'a pas le... On ne peut pas compliquer la vie. Attends, t'as un gros problème de connexion, mon petit Matt. Heureusement qu'on n'a pas le contexte, parce que t'imagines, le mec, il se ramène à une convention de fans de Vador et il se met à buter les cosplayers. Quoi. C'est moi le meilleur fan, ok. C'est moi qui ai le meilleur cosplay, bordel. Même plus parce qu'il a pas son masque. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il remet après. Bah oui, ouais, les mecs qui sont là, ils voulaient. Oh, les mecs, ils voulaient pas le laisser venir. Ils étaient là, genre, mais t'as pas de masque, enfin, mais il avait un masque, Vador. Les mecs, il s'est énervé, il les a tous butés. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va se faire son masque. Ok, c'est logique finalement. Bah ouais. Mais ce passage sur Mustafar, il a été amputé aussi de. Ouais, il y avait l'oracle normalement. Avec l'oracle, je crois, non? Je sais pas trop. Est-ce que t'as les bytes, Grushkov? Moi, j'ai pas tout. Ouais, et d'ailleurs, c'était un des trucs qui avait le plus leaké, c'était l'oracle, avec tous les concept art et tout. C'est une espèce d'araignée géante dégueulasse qui est sur une tête de bébé géante. On le voit dans le dernier comics, je crois, Vador. Ouais, qui est pas encore sorti, donc celui qui va sortir bientôt. Ouais, qui sort bientôt. Qui expliquera comment il a trouvé le Wayfinder. Il était sur son tom-tom. Le truc pointu là. Ouais. Le GPS TomTom, là, ouais. C'est, je suis le Wayfinder, je suis le Wayfinder, je suis le Wayfinder, je suis le Wayfinder. Dans Dora l'exploratrice. Mustapha, le cluster de merde, Exegol. Répète après moi. Mustapha, le cluster de merde, Exegol. C'est... Désolé, j'ai des enfants. Mais oui, hier je me disais ça, genre Wayfinder, en fait, c'est juste une manière complètement de teubée de dire une carte, en fait. C'est une boussole. Tu qui est en train de mourir. Ils auraient pu appeler ça de 3000 autres manières que Wayfinder, et ils l'ont quand même appelé Wayfinder. Quoi. Mais ouais, mais tu comprends, c'est Star Wars, tu vois, tu peux pas... Je suis sûr que quand ils vont prendre un bateau dans The Mandalorian, ils vont pas appeler ça un bateau, tu vois. C'est un water crawler. Non, c'est un comment ça... Un water slider. Ouais, voilà, un wave slider, un truc comme ça. Ouais. Et mais non, en vrai, pourquoi il a pas dit que c'était une carte, le truc? Bah parce que son premier MacGuffin dans l'épisode 7, c'était une carte aussi. Et le mec, il s'est dit, attendez, si je dis aux gens que mon MacGuffin, c'est encore une carte, ils vont croire que je me plagie. De ma gueule, faut que je trouve une astuce. Regardez, c'est pas une carte, elle a pas la même forme. T'as Cristerio qui arrive avec le truc, et il fait, tiens, je t'ai fait un scénario, et l'autre, il fait, attends, mais je vais passer pour un con encore. Et t'as Cristerio qui fait, t'inquiète pas, j'ai une solution. J'ai une astuce. Ils vont se rendre compte derrière. On va appeler ça comme un pick-up américain, ça passera crème. Le Ford Wayfinder. Du coup, il va sur Exegol. Je pense qu'il a l'aspect, excuse-moi, d'un holocron grâce au mec des concepts, ouais. Ou même des accessoiristes, j'en sais rien, mais à tous les coups. Les mecs, ils savaient pas ce que c'était qu'un holocron. Ah bah, je pense pas. Ils ont expliqué le bail au concept artiste, ils ont dit, ok, bon, on va faire ça sous la forme d'un holocron site. C'est rigolo, c'est que... Ils avaient même pas ça à l'esprit, les mecs. Dans leur vaisseau, ils le plug comme ça, c'est trop rigolo. Alors, ils mettent des petits câbles, des câbles jack qu'ils mettent dans le... Wayfinder. Bon, ça c'est un classique dans Star Wars, mais toi tu galères parce que ton PC il a pas la bonne version, le bon driver, le machin. Les mecs qui arrivent, ils sortent un holocron site qui a genre je sais pas quel âge, bon, celui-là il a au moins 40 ans au minimum. Et le truc il le branche comme ça marche direct, plug and play, c'est génial. Ouais, alors que toi tu dois faire une virtuelle machine qui tourne sur Windows 95 et tout. Ouais. Comme quand tu dois lancer Star Wars Starfighter. Ouais. Et du coup, il arrive sur Exegol, magnifique. Tu te dis waouh, ça va être super intéressant. Et en fait, non, vraiment, je trouve toujours le design d'Exegol assez cool. J'espère qu'on le reverra un autre jour. Le design d'Exegol, cool. Ben, avec toutes les statues et tout, là, dans les couloirs. À l'intérieur du temple moche de l'extérieur, parce que de l'extérieur, c'est un désert bleu, sombre, vide, y a rien. Enfin, c'est... Et moi, l'intérieur, c'est la pyramide tronquée inversée. Ben, en fait, on voit pas grand chose de ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, Exegol, rien à foutre, moi, perso. Enfin... Mais oui, mais si quelqu'un. Alors que tu vois Tatooine. Bien. Oh non, dégage. Non, mais peut-être qu'Exegol, ça serait vachement plus joli s'ils utilisaient l'électricité pour mettre de la lumière plutôt que pour faire des pickle snow, tu vois. Non, mais je sais pas qui a eu l'idée. Je pense, enfin, regarde, tu veux des planètes un peu maléfiques. On a eu quoi? On a eu Datomir. Ça a eu une autre gueule. Malachor. Malachor est magnifique. Malachor, c'est dans Rebelle, c'est bien ça. Ouais. Ouais, celle-ci que je cherchais, bah, là aussi, ça a une autre gueule. Même si elle. Même, sur place, même c'est Corriban. Pas ouf. Hein. Même Corriban a une autre tranche que ça. Je trouve que Exegol, c'est genre, ah, bah, c'est l'endroit le plus méchant de tous les endroits méchants de la galaxie. Alors, bah, il n'y aura rien à part le temple. Et puis, il va ouais, faire toute l'ennui. Et puis, c'est bleu. Et puis, il y aura du brouillard. Et voilà. Mais franchement, je trouve ça. D'ailleurs, c'est la flemme, quoi. J'aime bien le ce qui est ouf, c'est. c'est qu'à la base, c'était pas comme ça, parce que tu te souviens, dans le tout premier teaser, on voyait le moment où Po et la Résistance, ils arrivent sur la planète, c'était pas tout bleu. Dans le film, c'est tout bleu et sombre quand ils arrivent, alors que dans le premier teaser, c'était genre fin d'après-midi, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas. Bah la nuit est tombée. Ils faisaient tous une partie de loup-garou, la nuit est tombée, voilà, c'est devenu tout bleu. Ok, on continue. Attendez, juste un truc bien par rapport à Exegol, c'est toujours les bruitages sonores. Je sais plus s'ils ont été encore faits par Ben Burt. Non, ça fait depuis... il en a pas fait un seul depuis la fin de la saga, quoi. Ah, ok, je pensais que c'est lui qui avait encore travaillé. Non, c'est Matthew Wood qui fait la... Oui, il y a des effets sonores assez sympas sur Exegol, un peu synchro avec les éclairs. Ouais, et ça, c'est vraiment cool. Le reste, c'est ça. Des cris ou de chuintements, ça ressemble pas à des cris, mais je sais pas comment expliquer le truc, c'est assez sympa. Ouais. C'est des trucs un peu stridents, qui, ouais, moi, je trouve que ça rend bien... Ça rendait pas mal. Et ça fout vraiment les boules, hein, pour le coup, au cinéma, c'est un peu sombre, avec les bruits et tout, ça rend plutôt bien. Mais ça, c'est vraiment film d'horreur, pour le coup, cette partie-là. Ouais. Surtout pas le horrible film. Comment? Ah, mon son est vraiment pourri. Hein. Non, j'ai passé dans le cul, pas de toute manière. On a 10 minutes en direct d'Exegol. Il a des interférences. Ouais, non, mais j'en ai marre là. À cause du cluster de merde. Ça fait des. Comment ça se passe à Exegol, 10 minutes? Putain, j'en peux plus, venez me chercher. On arrive. À plus tard pour notre duplex. On peut avancer? Bah on oui. peut avancer. Avançons, parce qu'on perd des gens. Non, parce que là, il y avait Pickle Snoke dont on a parlé tout à l'heure, et c'est trop drôle parce que tu sais, le mec, il est genre tout fier, il fait j'ai tué Snoke, je vais le tuer. L'autre, il fait mais j'ai fait Snoke. Et tu sais, c'est comme quand ton enfant, il te fait un dessin, mais genre il a 2 ans. Et du coup, quand, enfin, il te montre le dessin, il est archi moche, mais t'es là genre, oh, c'est bien. Le mec, il fait, j'ai fait Snoke, et t'es là genre, ouais, bravo, c'est bien, Palpatine. Ouais, et après, tu vois vraiment que le Snoke qu'il a fait, c'est Snoke tout pété, tout dégueulasse. Mais c'est génial. Le mec, parce il a une gueule envoyée de Dumont, mais ouais, bravo. Ouais. C'est bien, papy, c'est bien. T'as pris tes médicaments aujourd'hui? Ah, je t'ai bien lu, enfoiré. Ce qui est génial, c'est qu'il y en a d'autres dans un bocal à cornichon à côté, mais ils sont aussi dégueulasses, c'est les mêmes. Ouais, ils sont tous ratés. Il a pas changé la recette. Celui qu'on voit en premier plan, là, celui qu'on voit le mieux avec les deux Snoke, t'as l'impression que c'est juste une image de Snoke à gauche, et ils ont repris, ils l'ont retourné, ils ont fait un miroir et ils l'ont mis juste à côté. Oui, on dirait vraiment que c'est un truc qu'on dirait trop ça, ouais. Bon, après, c'est logique si c'est des clones, mais ils pourraient être dans une autre position, tu vois. Genre. Somehow Snoke was dégueulasse from the beginning. ces premières phrases là de Palpatine, pour moi, sont assez symptomatiques de tout ce qui le concerne dans tout le film. C'est-à-dire que le mec, il est là, on dirait vraiment un gamin de 12 ans qui a écrit le scénario. Qui dit, ouais, mais Palpatine, et c'est lui le plus fort parce que c'est lui qui l'a fait Snoke et c'est lui qui l'a fait les voix dans la tête de Kylo. Et puis d'abord, et puis après, il lance des éclairs sur les vaisseaux et puis il trouve le pouvoir et puis parce qu'il se soigne avec la vie des deux autres. Enfin, c'est archi pété tout le long, comme ça. Ouais. Ce qui est génial, c'est que c'est écrit par un gars. Ça n'a aucune conséquence. Genre, mais en plus... Ah bah en fait, le truc qui fait que ton oncle, il a essayé de te buter la nuit, c'était même pas de ta faute. C'était moi depuis le début. Toute ta famille t'a Et tu vas mourir quand même à la fin, petit connard. C'est génial, c'est le mec, il est là genre, hey, c'était moi, ouais. Ouais. On s'en bat les couilles. On s'en fout complètement. C'était moi. C'est pas le coup de poser son point d'expliquer que ouais, t'as vu, hein, je suis intelligent quoi. En fait, depuis le début, il essaye de faire des pranks. Et il dit en même temps, si Snoke avait été plus beau que Palpatine, il lui aurait piqué la vedette. Mais en fait, il aurait pu être plus beau et Palpatine était là genre oh non, et il le tape, tu sais, jusqu'à ce qu'il soit dégueulasse. Mais non, il était vraiment dégueulasse déjà, depuis le début. Différent parce qu'avec les petites babouches dorées, le petit peignoir. Il jouait à la poupée avec Snoke, tu sais. Je t'ai acheté une petite rapace. Disons qu'il a développé des goûts de luxe, le petit Snoke 4. Et surtout, dit pas, mais c'est Snoke 4. Hein. Surtout, la vraie question, c'est pourquoi ils sont en train d'en faire d'autres? Parce qu'il s'emmerde. Non, mais celui-là, il les garde aux archives. Il a juste ses supporters, là, sa chorale perso. Ouais, voilà, c'est comme quand t'as le dessin moche de ton enfant et tu l'accroches quand même au mur. Ils en ont fait plusieurs au cas où, ils les gardent. Voilà. C'est resté là, ils savaient pas quoi en foutre. C'est voilà, pour la science. Mais oui, mais parce que là, ils sont en train de s'en occuper et à la fin du film, ils les ont abandonnés et tout. Quand Ray revient, tu vois que le truc est cassé, machin truc. Ouais, mais ça se trouve, tu sais, c'est les trucs qui étaient pas viables et ils les ont gardés comme quand dans les films ou les trucs en comme fait, ça, t'as la personne. Formol. Ouais, tu sais, comme les fœtus dans le formol, genre. Bon, nice try. Et puis les mecs, faut qu'ils vivent le royaume après, faut qu'ils le lavent, ils avaient la flemme, ils ont tout laissé dedans. du coup. Pardon, vas-y. Vas-y. Du coup, t'as donc Kylo qui s'avance, qui retrouve GLaDOS. Vraiment, c'était pour dire ça. Ça oui. c'est GLaDOS. C'est GLaDOS qui pue. Mais où ça sent ça sent le sperme ici. Dégueulasse. GLaDOS qui se mange les ongles. Ah non! C'est parce qu'il s'ennuie, hein. C'est pas de sa faute! Le mec il stresse! Mais, oui. Tu sais, il fait oh, je vais rencontrer ma petite fille bientôt! Et le mec il se range les ongles! Est-ce qu'on en parle de la gueule de Palpatine qui soi-disant est un clone, mais qui ressemble à un vieux pruneau d'Agen dégueulasse? Oui, d'ailleurs, justement, je voulais venir. C'est un clone du Palpatine cramé dans l'étoile noire ou c'est le Palpatine qui a pris un coup de chaud dans l'étoile noire? Et qu'ils ont branché sur, voilà, sur une. Non, c'est un clone. C'est un clone, ouais, c'est un clone. Pourquoi il est défoncé ? Donc c'est un clone foiré. Ouais, c'est un clone foiré. Alors, l'explication qu'ils ont trouvée dans le livre, c'est que, en fait, il est trop fort dans la force, en fait, et du coup, les clones ne peuvent pas. Ils sont pas assez résistants pour. Récupérer toute la force de Palpatine, alors du coup il se décompose. Et le seul qui a pas fait ça, c'était. C'était le père de Rey. En faible, trop fort. C'est trop ça, c'est en faible, trop fort. Non, mais tu comprends. Il est tellement fort, et ben, il est pas si fort que ça. Il y a le bon cloneur et il y a le mauvais cloneur. pourquoi il n'est pas allé. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que le mec, il sait que sur Kamino, ils font du bon boulot, mais le mec, il fait bah non, je vais faire ça avec dans ma team garage. Et tout, et les mecs, ils font ça. Mais non, mais ça, il a vu le devis, ils ont fait un devis, les mecs, ils ont fait vous foutez de ma gueule, là. Il aurait pu vendre un ou deux Star Destroyer pour se payer le truc. Je viens de me faire péter une étoile de la mort, vous savez pas ce que ça coûte, l'assurance, ça va pas rembourser. Tu sais, c'est comme leur armée de Star Destroyer, là, avec. Des trucs aussi, qui peuvent détruire putain. La planète. Et on a des milliers, mais c'est parce qu'en fait, avec son crew là, il a tout gratuit, mais c'est tout pourri en fait. C'est genre les Star Destroyer, ils pètent. Les Star Destroyer, ils explosent si tu tires juste à un endroit. Ça m'énerve. Tu casses le canon, ils le truc explose. D'où ils sortent ces putains de Destroyer sous le sol. C'est les mecs dans le stade de foot qui les ont construits. C'est des plantes. C'est des plantes, faut les arroser, puis ça te fait pousser un Star Destroyer, ah, et hop, c'est de terre, c'est comme des patates, en fait. C'est vraiment juste aucun putain de sens, ouais, je sais bien sûr. Que c'est un film. Mais non, c'est les mecs, c'est les mecs de stade de foot, c'est les jackies de l'espace, ils vont au foot, et le reste du temps, ils font du tuning de... Mais ces destroyers, ils sont tellement énormes qu'ils sont construits en orbite, tu les construis pas au sol, qu'est-ce qu'ils foutent par terre ? Non, mais attends, moi je suis sûr qu'en fait, ça a été construit en orbite, et pas le Patox, il s'est dit... Oh la vache, il y a Kylo Ren qui arrive, il faut que je les cache, je vais voir, c'était tellement stylé quoi. Ça va être trop stylé, je vais les faire sortir du sol, ça va être trop beau. Il va faire roi, trop fort. Alors les gars, dès que je lève les mains, vous sortez les vaisseaux, hein. Pas avant, pas après. Hein. Dès que je lève les mains, ok. T'as les gars, ils font, mais vous êtes dans un bâtiment, il va pas le voir. Oh, ok les gars, cachez les Star Destroyer, sortez les boîtes de cornichons. Non, mais... c'est trop ça. Non, mais c'est qu'il ça, avait en tout fait. Préparé en fait, depuis long. 30 ans. Et pour moi, c'est Destroyer, cette armée avec les armures gauches et tout ça. Aucun putain de sens. Tu peux pas maintenir ça. Alors, soit ça a été construit à l'époque de l'Empire et c'était con de la part de l'Empire de pas les utiliser à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Mais il y a des gens dedans en plus. Ils bouffent quoi, les gens ? Et puis, dans ce cas, ça veut dire que le bateau, ça fait 40 ans qu'il est obsolète. Et autrement, ça a été construit, genre, je sais pas, il y a 6 mois. Genre, déjà, bravo les mecs, parce que pour en sortir des dizaines de milliers comme ça, chapeau. Surtout sans installation en orbite, ok, pas mal aussi. Mais enfin, et puis, comment tu alimentes tous ces gens ? Comment tu les nourris ? Comment t'as vu Exegol ? C'est pas. Eh mais ça se trouve, ils avaient. On dirait que. Pourquoi ils mangent des cailloux ? Mais ça se trouve, c'est parce qu'ils ont tout bouffé qu'il n'y a plus rien. Et les mecs, c'est pour ça qu'ils veulent partir, là. Le mec, il dit dans 16 heures, j'envahis tout le monde. C'est parce qu'en fait, le mec. Il a faim, c'est son goûter. Le mec, il sait que c'est... sinon, ils ne vont pas pouvoir bouffer. Je sais que c'est un des bad nerds. Attends, l'armée, c'est pas logique, ils n'ont pas de ligne de ravitaillement. Mais le truc, c'est que t'as une armée qui sort de nulle part dans l'épisode 2, on te l'explique, ça a un sens, ça fait sens. Ouais, mais même, là, si c'est, une armée même si c'est et ridicule. Une flotte monstrueuse qui sort de nulle part, c'est absolument ridicule. Non, mais en fait, j'ai compris pourquoi il avait plus de budget pour lui auprès des Kaminoens. Parce qu'ils ont cloné des Star Destroyers et du coup, ça coûtait trop cher. C'est pour ça que l'Empire, spoiler pour le Mandalorian, l'Empire, en fait, il cherche bébé Yoda pour le cloner. Vous savez, parce que le. Ouais. Comment il s'appelle, là, Clément Viktorovitch, il a le patch de Kamino sur l'épaule. C'est parce que, en fait, ils veulent utiliser les zizikloriens du bébé Yoda pour pouvoir cloner n'importe quoi. En fait, ils vont essayer de cloner. C'est comme ça qu'ils arrivent, en fait, à cloner les Palpatine, à cloner les Star Destroyer, à cloner les Snoke. C'est obligé, mais c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que. C'est comme s'ils avaient sorti un scénariste de l'époque de l'univers Legends, en fait, pour tous ces trucs vraiment démesurés. C'est très. Oui. Voilà, c'est très. Dark Empire. Ça aurait très bien pu passer à l'époque, mais c'est vrai que là, ça semble. On dirait que voilà, ça ressort de nulle part d'une époque qui. Bah voilà, c'est pas vraiment le genre de ce qu'on voit dans les nouveaux médias, les nouveaux romans, jeux, films et tout. Enfin, attends, pas tout à fait, parce que si c'était vraiment ça, Palpatine, il aurait été genre bodybuildé, tu vois. Ouais, mais je veux dire, cette histoire de clone de l'empereur, ça vient aussi de l'univers. Donc, ok, il n'est pas bodybuildé, ils sont un peu calmés là-dessus, mais c'est vrai que c'est complètement ça. C'est pourquoi je suis d'accord, c'est complètement ça. C'est Dark Empire, on m'entend ? Ouais. Je suis pas sûr. C'est exactement ça. On a des clones de Palpatine, un clone de Palpatine, on a des armées complètement flinguées. Je crois que c'est dans Dark Empire, c'est quoi ? C'était l'Eclipse, je crois, le putain de Star Destroyer qui est encore plus gros que le Super Star Destroyer. Et après, ils en ont fait même plusieurs, je crois, avec justement aussi une arme qui détruit les planètes. Oh, ça c'est bizarre. Mais il y a plein d'éléments comme ça qui ont l'air directement tirés de l'univers légende et pas le meilleur. Et le problème, c'est que ça marche. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je pense que les gens qui sont pas à fond dans Star Wars s'en foutent. Mais tu m'excuses, mais moi, niveau suspension d'incrédulité, ça marche pas du tout, quoi. Je trouve ça. Je trouve que surtout, ça, c'est plus ce qui se fait. Encore, ce serait à l'époque, ça aurait été cohérent parce que c'était un peu tout le temps comme ça. Alors que là, on a changé un peu d'époque, c'est un retour en arrière, j'ai l'impression. Oui, c'est plus une façon de raconter une histoire, quoi. Oui, ça fait vraiment, oui, ça fait scénar des années 80, quoi. Ouais, voire 70. Voire même avant Star Wars. Ce qui est marrant, c'est que on sait que il y a eu pas mal de reshoot et de Adam Driver, il a dû refaire pas mal de répliques dans son placard à New York. Oui, c'est vrai. C'est le mec qui a fait le son. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pratiquement à chaque fois qu'il parle, quand il est face à Palpatine, non seulement ils sont jamais dans le même plan, tu les vois jamais vraiment en face l'un de l'autre. Et tu sais, il aime bien mettre son bras en avant avec son sabre dans les trois films. C'est le seul truc qui est cohérent en fait dans les trois films, c'est Kylo qui met son sabre en avant là. Et c'est bizarre, cette fois-ci, son bras il passe au-dessus de sa bouche. Comme ça, on le voit pas parler. Subtil. C'est subtil, hein. C'est intéressant. Okay, et après, il a pas besoin de remettre le masque. Il fait du beatbox. Et c'est pareil, il remet le masque et tout, alors que ça sert à rien. Et bizarrement, c'est là qu'il dit que de la merde. Putain, c'est de la folie, quoi. C'est rigolo, ça, hein. Comme si les mecs, ils étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient raconter. Ouais, du coup, ils se sont dit, ok, on lui remet le masque et tout, ça va faire plaisir aux gens, et en plus, comme ça, on pourra changer l'histoire comme on veut. On sait que la dernière fois qu'il a dû s'enregistrer, c'était en le 26 novembre, je crois, ou le 23, je sais plus. Donc, même pas un mois avant la sortie du film. Juste avant la sortie, quoi. Ouais. C'est fou. Ça c'est un peu chaud, ça, par contre, les gars. Ouais. Parce que faire un film avec une histoire un peu naze, bon, bah, ça arrive, mais en plus, bosser dessus jusqu'à la dernière minute et c'est quand même naze, ça, c'est fort. Quand je pense à ceux qui criaient que ça allait être une merde, Rogue One, parce qu'il y avait eu des reshoots, genre, quelques mois avant la sortie. Oups. Mais il s'était trompé de film. Ensuite, voilà, je rappelle qu'on n'a même pas fait 5 minutes du film, ça fait bientôt. bientôt bien, on respecte. et du coup, ça, l'autre il fait oh, le meilleur moment, on n'en a même pas parlé. Palpatine qui dump juste une ligne de l'épisode 3, comme ça, le côté obscur, tu sais, is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Et le mec, il est comme ça, en train de cligner des yeux, sauf qu'il a pas de paupières. Et t'es là, genre, tu sais, c'est ce marrant, Palpatine. Son coup de coude, enfin, son coup de coude dans mes côtes, quand même. Tu sais, genre, ok, Palpatine, mais tu sais, t'avais dit ça à Anakin, et Anakin, il est pas là, hein, donc il va pas choper ta référence, le gars. Tu sais, je sais que c'est un fanboy de Vador, mais je suis pas sûr qu'il sache ce genre de choses-là. Le mec a deux doigts de faire hey, « t'as déjà entendu parler de Dark Plagueis ?» À la preuve, à l'autre, il mange pas, hein, non. Il doit être un peu déçu. C'est limite à la fin, quand t'as les voix, tu sais, t'as les voix des Jedi avec Rey, t'entends Obi-Wan qui fait « Another happy landing ?»« Hello there !» En fait, c'est que des quotes de la prélogie, tu sais. Que des mèmes. T'en fais pas, Ika, tu viens d'arriver, tu es en retard, mais ne t'en fais pas, on en est qu'à la toute première scène. On est encore sur Exegol. On n'a pas décollé. Et voilà, après, il fait genre la fille n'est pas ce que tu crois, alors que t'es allé dans ses pensées et tout, et que t'es censé savoir tout, et que c'est elle-même qui t'a dit qui elle était, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis désolée, GLaDOS confirme, hein, The cake is a lie. The girl is a lie. Oh punaise, mais Rey's cake alors. Ouais. Oh, punaise. She's not what you think. What is she? She's cake. What the fuck? Et du coup, ça a fait un cut sur Rey qui flotte dans les airs avec des cailloux partout. Comme font tous les gâteaux. Pour ça, voilà, c'est quand même dommage d'avoir dit dans le film d'avant que la force, ça servait pas juste à soulever des cailloux. Mais justement, mais en fait, il y a plein de petits doigts comme ça tendus. Ouais, non, ça c'était film. Mais ça sert pas qu'à soulever des cailloux, ça sert à soulever des cailloux et faire de l'art avec. Quoi ? Alors que ça pourrait servir à soulever des gens. Pas plus ici. Mais Rey, elle a vu les photos, vous savez, de cet artiste-là qui fait des cailloux dans des rivières et elle a voulu faire pareil, mais avec la force. En fait, non, elle est juste c'était juste un petit doigt encore tendu à Ryan Johnson, comme il y en a tout le long du film. Quoi. C'est le premier, là. Ouais, c'est que le début. À ce moment-là, elle essaye de joindre par téléphone ou fax, peu importe, les Jedi. Hein. De toute façon, de toute évidence, il y a un problème de connexion. Et puis, elle sait que comme elle est une femme, il va falloir les impressionner, sinon ils vont être genre « Oh non !» Du coup, elle est genre là, avec ses petits cailloux. « Regardez, s'il vous plaît, quand même je vous la pète, non ?» un petit peu. Ah ouais, elle sait qu'ils en ont rien à faire. Comment elle s'appelle, cette planète ? Ajan Klos. Ajan Klos. C'est comment sur Ajan Klos, Ximus ? Tu peux répéter ça, je n'ai pas compris. C'est comment sur Ajan Klos, actuellement ? Ah ben disons que voilà, il y a Dominique Monaghan qui arrête pas de me raconter des trucs sur l'histoire des sites et tout. Des blagues du cul site. Il a acheté le guide officiel, il me récite par cœur. Oh, finesse, mais tellement envie de lui dire juste ferme ta gueule t'as à chaque fois. T'as vu Rose récemment ? Ben non, figure-toi que voilà, je sais pas. Elle a été cut de la réalité. D'accord. C'est bien ce que je pensais. En passant très vite, tout le passage sur Rey qui s'entraîne là, moi j'avais envie de foutre Pushy to the limit en fond. Ouais. Et, mais là, ça sert à rien en fait ce passage là. C'est genre, c'est... Oh, regardez, elle est venue très forte. Enfin, mais non, mais non. Mais alors, pas forte, en fait. Justement, je voulais revenir vite fait sur le truc de Snoke. C'est vrai qu'on en a, on en a rigolé, mais tu vois, ça fait partie des de tous les trucs Reddit, les moments Reddit du film. Les Reddit ils sont là genre oh mais on savait pas d'où il venait Snoke, alors du coup ils le mettent en pickle Snoke là au début du film, genre putain mais ne faites rien c'est mieux. c'est ça qui est génial, c'est que Ryan Johnson il s'est dit bah nique sa mère, je vais pas regarder ce que les gens attendent et je vais faire mon film. Ouais c'est ça, et l'autre il a fait l'inverse, les mecs ils ont tapé sur Google comment faire un bon Star Wars. Ah, il y a des clones dedans. Et pareil, les Reddit, ils étaient là genre oh, « Mais elle s'est pas entraînée, Rey, Kekaprout !» Alors qu'est-ce qu'ils font faire à la première scène de Rey ? « Oh bah c'est de l'entraînement !» Oh c'est rigolo ça. Oh, merci Reddit. Moi je vois quand même un intérêt à la scène d'entraînement de Rey, c'est un foreshadowing de moi qui galère sur Fallen Order. Parce que par son petit robot, là je me suis dit « Putain, mais oui, c'est là je vois complètement là. » Moi, ce qui me saoule, c'est que BB-8 il voit un autre droïde se faire tuer de sang-froid et il s'en bat la race. Pas faux. Oui, c'est vrai. Et quand c'est qu'il s'en bat la race, parce qu'il a pas envie d'être le suivant sur la liste. Est-ce qu'il le voit vraiment? Parce qu'à ce moment-là, il s'en fout. Il traite, c'est tout. À ce moment-là, il est coincé sous un tronc d'arbre. Ça se trouve, il voit pas qu'elle a tué l'autre droïde. Ça se trouve, il a rien pu faire. Il se relève. Il s'approche de l'arbre dans lequel ben Rey a empalé le droïde et en fait il dit B4 c'est genre elle a tué son pote. Horrible. Oh punaise, mais attendez, mais je me suis gouré, non? Quoi? Parce quoi? Que avant il y avait la scène sur l'astéroïde là avec les deux connards. Et Claude. Il y a Claude, ouais. Ah, oui, le prépuce. Ah, ouais, ouais. Vous savez, Claude prépuce. Ouais, alors, attends, je vérifie. C'est l'émoji caca. Ouais, c'est Claude. Ça, c'est bien ça. Je suis allé trop. C'est l'émoji caca. Mais alors, Claude, tu veux t'arrêter dans les vaisseaux, Claude? Parce que personne ne peut faire ça. Putain, mais ça aussi, c'est un moment Reddit. Ça aussi, c'est un moment Reddit parce que. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prépuce géant. Mais oui, ils parce que. Ils ont dit sur Reddit qu'ils voulaient un prépuce géant. Mais non. Bah parce qu'ils rêvent tous d'avoir un gros zizi, alors il en a mis un comme ça. Tenez, c'est votre gros zizi. Ah, zizi quand il passe son hyper espace, il se décalote. Mais oui, clairement, en Alzheimer, Claude, c'est pour remplacer les porcs. Mais est-ce que t'as envie d'avoir cette espèce de mélange de bite et de caca qui arrive en plein écran et qui te fait ah? Le pire, c'est qu'on le voit, genre. Même eux, ils se sont dit non, mais c'est de la merde. Non, mais on ne le voit plus jamais après. Ils ont réuni les marketeurs, ils leur ont montré. Alors, ça, c'est votre nouveau personnage pas pour votre ligne de produits. Les mecs ont fait non. Non, tu non, le petit droïde blanc et vert, ça ira très bien. On le prend. Par contre, les mecs, ils avaient juste à ramener les deux porgs et puis c'était bon, quoi. On en voit des porgs plus tard, quoi. Enfin, ouais, ils sont dégueulasses. Et puis, budget, ils ont tout mis dans le prépuce. 10 minutes, t'as quelque chose en duplex. Est-ce que tu l'as revu après, Claude, ou comment ça se passe? Ah non, il me fait peur. Je sais pas si je regarde son visage ou autre chose quand je le regarde, donc. Allez, d'accord. Je sais pas si c'est pour ça que je regarde, bon, je reste caché dans un placard. Merci. Oui, Nazeb, c'est vrai que les porcs, ils étaient pris des macarons partout, ils pouvaient pas les faire se barrer parce qu'ils sont protégés, ils les ont transformés en porcs, c'était une super idée. Bah, comme quoi, on peut faire du marketing à partir de trucs qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas prévus à la base. Mais... Tout ça pour dire que oui, je dis c'est un moment Reddit. Pourquoi? Parce que. Donc, comme la. C'était quoi la réplique déjà, Funeli? Tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Ouais, ouais. La réplique. Alors, Claude, tu peux réparer le vaisseau, Claude? Il n'y a personne d'autre à le faire. Ah ouais, ouais, y a personne qui peut le faire, hein. Je veux dire, attendez, c'est qui le personnage déjà qui était dans l'épisode 8 et qui répare des vaisseaux? Ah oui, c'est vrai, c'est Rose. Rose qui? Je connais pas. Bah oui. J'ai jamais entendu parler. Donc oui, c'est un moment Reddit parce que ils ont juste mis une bite géante à la place. Ils ont littéralement mis un zizi géant pour remplacer Rose pour les gars qui veulent voir juste des zizi tout le temps. Un zizi à moustache. Alors, juste comme ça, on voit jamais... Je suis pas sûre. Alors, faudrait vérifier, mais est-ce qu'on voit Rose et Claude dans la même scène, même dans pièce même plan, ensemble? Parce que ça se trouve, elle fait juste du cosplay, tu sais. Ça se trouve, en fait, ouais. Tu sais, c'est quand... elle est anxieuse socialement et du coup, elle se met dans son, dans son costume, c'est là, son des fois, quand elle apprend. Tu sais. c'est pas une furie, c'est une skinny, en fait. C'est une zizi. Mais ouais, l'affront de remplacer Rose par le truc qui a pas de bras, quoi. Ah bah super, il est bien votre mécano. En plus, il sert strictement rien. Ça a dû être un... Bon, à l'échelle du film, c'est rien, mais un petit gouffre dans les SFX. Tu pouvais mettre Rose à la place, ça aurait rien changé aux scènes de Rose, ça aurait rien changé au film. Et ça marchait pareil. Ça coûtait moins cher. Tu te souviens quand des gens qui râlaient à cause des sirènes dans l'épisode 8 et puis t'as l'autre qui se ramène avec son zboub géant là. Non mais surtout qu'à mon avis, en plus, ils ont pas dû revendre beaucoup du merch à propos de Claude. Ouais, bah, il n'y en a même pas eu en fait. Il y en a eu, je crois. J'imagine, ils ont supprimé le merch Rose, ils ont fait du merch Claude à la place. Vous qui avez tous non les mais honnêtement. Honnêtement, qui va acheter une putain de figurine Claude a donné à ses gosses? Déjà, rien que le nom, Claude. Pourquoi t'appelles ton personnage comme ça, déjà? Jean-Louis l'extraterrestre. Je vais en trouver une, je vais en acheter une pour la mettre à côté de celle de Rose. Et de... Ah non, mais putain, mais quelle honte. Mais ça m'énerve. Mais en plus, il est terrifiant. Hein. Pas maintenant, parce qu'il y a encore Boulio dans cette scène. Oui, il y a Boulio. Boulio, je suis deg, parce que le design est cool. Ouais. Ils font rien du perso. Ils ont fait quand même une minifig Lego. Bon, j'imagine que c'est pour rejouer la scène. Les deux se parlent, hein, parce que c'est une scène importante. Pour qu'ils disent gagner la guerre. mais pourquoi t'as pas pris le design de Boulio pour le foot à la place de Split Claude? Boulio est sympa, ouais. À quel moment ça marche pas dans ta tête pour faire un truc pareil? Mais parce que Claude, tu veux lui couper la tête? Ouh, il a pas de tête. T'imagines que Kélo il arrive et puis il jette une grosse bite sur la table avec tous les cas dans ça doit être un fan un gamin qui a grandi les années 80, vous savez là les crados là, ces espèces de cartes collectionnées dégueulasses, donc il s'est dit, oh là, voilà, ça me dit quelque chose, ouais. c'est un peu les monstres dans comment ça s'appelle dans Kid Paddle. Il était fan de ça étant gamin, il s'est dit bah il y a pas de raison que les gamins aient changé. Ça fait nom de pédophile en milieu rural Picard, on nous dit. Oh non, ça suffit, t'étais pas obligé de lire ça. Non, ah, bah, je sais pas. Moi, c'est un trigger word. En disant que ça fait nom de boomer simplement, quoi. C'est pourri comme nom en fait. C'est juste pourri. Oui. Voilà. Mais faut qu'on avance. Le hyperspace skipping. Il y a Grushkov qui disait devant le film hier par rapport à Boulio et la voix de Boulio, c'est Mark Hamill. Et du coup, Grushkov était Ryan, il a mis un alien sur Canto Bight qui était dont la voix c'était Mark Hamill. Alors fallait que JJ il ait aussi son petit alien. Ah la avec rigueur, Mark Hamill. Écoute, t'as un acteur qui est capable de faire des super voix, autant en profiter pour aller foutre des aliens, ça quelque part. Dans Canto Bight. C'est mieux que de foutre la voix de Chris Terrio sur le descendant d'Akbar. Dans Last Jedi, c'est le petit alien qui est bourré qui fout des pièces dans BB-8. Ok, trop bien. Ouais, mais tu vois, il y en a un qui est subtil, et puis. Enfin, qui est subtil. Tu sais pas que c'est lui. Et puis dans l'autre, t'entends juste Luke qui fait gagner la guerre. Tu vois la différence? Luke qui fait du cosplay, du coup aussi, il s'emmerdait en tant que fantôme de force sur Actu. Tu sais, il a pas choisi le bon endroit où mourir, il s'est dit putain, mais en fait, je suis coincé sur cette île. Il s'est dit attends, je vais trouver un moyen. Il a fait du cosplay et il a pu s'échapper, tranquillou. Et ça va faire une heure et on n'a pas avancé beaucoup. Ah ouais, bref, voilà, il y a le light speed skipping. Le ricochet d'hyperespace. C'est plutôt stylé cette scène à la rigueur. Je sais pas pourquoi. Elle est tellement mal montée, je peux dire. Oui, elle est très mal montée. Mais c'est ça déjà. En fait, tout est mal monté dans ce film de merde. Ouais. Et il n'y a pas de plan qui dure plus de 2 secondes. Ouais, non, c'est vrai. Alors, je suis d'accord avec ce que tu avais dit. Matt, que ça passe peut-être mieux à la télé qu'au ciné. Oui, mais ça n'a pas plus d'impact. Ça n'a pas un meilleur impact. Hein, c'est moins désagréable en fait. C'est moins désagréable. C'est quand même. Au cinéma, l'écran est grand, t'en prends plein la gueule avec la lumière et tout. Ouais. Mais les changements de contraste et tout, ça fait vite mal au crâne. Et là, c'est pas que cette perte en fait. T'es toujours en perte de repère en fait. C'est ça, t'as pas le temps de. ton regard n'a pas le temps de se poser, tu n'as pas le temps de dire ok, bon, la scène est comme ça, ça c'est ici, ça c'est là, l'angle, surtout, ok, je vois où le point de vue se situe. Ça va tellement vite que tu passes ton temps à te prendre des coups dans la gueule et c'est fatigant en fait. Et puis même, ça ressemble un peu, même si c'est pas exactement la même chose, mais dans l'épisode 7, il y a Han qui dit que le moyen de passer le bouclier, c'est de faire justement une manœuvre super rapide en hyperespace et que, attention, c'est méga chaud, faut pas le faire tout le temps. Mais là, on va le faire trois fois. Donc, c'est ça, c'est trop fort. Parce que c'est, vraiment, non, il a inventé Poe et puis il est trop fort. Non. Moi, je me souviens que quand j'ai vu ça, ce que je me suis dit, c'est « Ah, trop bien, ça va être dans Star Tour !» Eh ben non. Mais non, pourquoi ils ont mis ça? C'est pas parce que Poe, il est trop fort. C'est parce que Poe, il était Spice Runner. C'est juste pour ça. Ouais, c'est une technique de oui, de parce que genre, il y a les autres, tout le monde qui... Tu sais, t'es dans le film, il y a lui qui fait ça, tu fais « Waouh, c'est un peu dangereux et tout. » Puis t'as tout le monde qui est là, genre « Quoi, tu as fait ça? Mais c'est très bizarre que tu aies fait ça. » Mais calmez-vous. Vous avez tous piloté avec Han Solo, putain. Pourquoi quand c'est Poe, c'est bizarre, mais quand c'est n'importe qui d'autre, c'est pas... Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il est latino et que tous les latinos sont des dealers de drogue. Mais tu sais, cette scène, c'est... Eh, regardez tous les bons designs un peu originaux qu'on vous mettra jamais dans le film. Oui. Et bah à la place, vous aurez une planète bleue moche. Regardez ce truc qu'on a piqué à Dune. Ouais, j'ai dit la même chose hier quand on regardait le film. Mais n'empêche, quand on y repart, d'ailleurs, vous avez eu le temps de t'atterrir sur ces planètes ou pas? Mustafar compte pas, on le voit pas assez, mais on a Exegol, on a Passana, la planète où il y a le QG de la résistance, là j'ai plus le nom en tête. Ouais, Et c'est tout, Kijimi. Non? Bah non, il y a Tatooine. Oui, il y a Tatooine. Tatooine, la lune d'Endor. Il y a aussi la lune d'Endor, là, mais je veux dire, il n'y a rien de marquant, en fait. À part, justement, tous les mondes qu'on voit dans le passage hyperespace qui sont super cool. Tout le reste, c'est pété, c'est claqué au sol. Kijimi, ça aurait été bien s'ils y avaient passé plus de temps. Ouais. Ça avait l'air assez sympa. Hein, ça fait penser à Strasbourg, un petit peu la capitale de Noël. Tu sais, il y a des mais c'est ça. Mais c'est trop ça. Mais on n'a jamais eu planète de Noël. Ça sent le vin chaud, hein, quand tu y es. Tu dis, oh, ça doit sentir la cannelle et tout. En même temps, il y a des trafiquants d'épices, donc c'est logique. Oh putain! Ça sent le pain d'épices, tu vois. Tu veux pas du pain d'épices? Non, c'est logique. C'est logique, c'est Noël. Pou qui se balade toujours avec des tranches de pain d'épices dans ses poches, tu sais. Le mec, en fait, ils disent « Ouais, j'étais un space runner, mais en fait, il bossait pour Starbucks. Il faisait, tu sais, les... L'espace latte. Il faisait les lattés avec des épices pour le Halloween. Le mec, en fait, il vend juste des cinnamon rolls, tu vois. Pour... c'est vraiment ça. Et les gens, ils sont « Oh putain, tu vends des épices ?» Bah, frère, il avait un gros boulot de merde, il a fait ouais, non, mais je suis Space Runner. Je bosse dans les épices. Oh putain, c'était ça depuis le début. Space Barista. Ouais, c'est ça. Tu sais, sur son X-Wing, il écrivait les noms super mal. Mais c'est pour ça, ta Finn, il lui fait comment tu t'appelles, FN2187? Ouais, bah j'écris Finn. Hein. Putain, mais c'était ça depuis le début. Tout fait sens. Tout bien logique. Waouh! Mais moi qui croyais que le film il était complètement déconnecté des deux autres, en fait, non, pas du tout, c'était super bien pensé. Ça, mais c'est du retcon. Hein, et c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de dire I'm Poe à tout le monde, c'est pour que les gens ils écrivent bien son nom, parce qu'il a l'habitude. Ah putain, il est trop fort. Il y avait un food truck de l'espace, nous dit Cousin Seb sur le chat. Ça se trouve, BB-8 il s'appelle pas du tout BB-8, c'est lui, ça doit être genre Bernard, Bernard Lambert, un truc comme ça. Et... Non, non, ouais, c'est BB-8, le... BB-8, c'est le père de ta botte, BB. Non. On en était où? Alors voilà, ils font le ricochet, ils arrivent, le faucon ils est disputent en feu, avec ça fait la gueule, ils se disputent. Hein. Daisy est assez rigolote à ce moment-là, je trouve qu'elle a un timing, enfin. Daisy assez elle est sympa. Elle est... Non, en vrai, ils sont sympas, mais genre... Tous les acteurs sont bien. Leur... Alors, oula, attends. Vraiment, je trouve ça. Non. Alors, par exemple, Poe, comment il s'appelle l'acteur? Oscar Isaac. Merci, il joue bien. relativement bien, parce que des fois c'est pas, mais le moment où il joue super mal, ou alors c'est peut-être voulu, hein, mais c'est quand il dit que Palpatine est de retour, là t'as l'impression que lui-même il est saoulé de dire ce qu'il a, quoi, le pauvre mec. Ouais, non, mais j'ai l'impression honnêtement c'est mec, il joue même pas, j'ai l'impression qu'il est là, il est en train il lit le script pour la première fois et il sort ça, quoi. Et il a l'air alors gavé. honnêtement on y croit pas, je trouve que c'est rigolo, mais on y croit pas du tout. Alors vous savez à quel point j'adore The Last Jedi. Mais je trouve sincèrement que Oscar Isaac, il joue mieux dans The Rise of Skywalker que dans The Last Jedi. Je le trouve plus dynamique dans son jeu et je préfère la manière dont il joue. Enfin, moi, je ne saurais pas dire si c'est pas le film en général qui fait l'impression qu'il sonne faux, mais je trouve que par moments il sonne super faux. Bah, dans les moments d'émotion entre guillemets, dans il sonne super faux. Moi. Enfin bref, il fait le kéké de l'espace quand il arrive. T'as genre Rey qui fait bon. Alors est-ce qu'il y a vraiment un espion? Tu vois, elle est focus sur la mission de la résistance. Et lui, il est en mode oh t'as cassé mon droïde. Oh mon droïde. Et t'as Finn à côté qui pourrait répondre à Rey, tu sais. Et au lieu de ça, il est juste en train de les regarder se battre. Il les regarde. Il fait ah oh, bah tu sais, il a raison. Rey, elle se fait engueuler parce qu'elle était pas là. Bah genre je sais pas. Emmenez-la avec vous. Genre, ouais, t'es la meilleure combattante ici, t'aurais pu venir avec nous. C'est la meilleure pilote, c'est pas toi le meilleur pilote pour ouais, qu'est-ce... Le ouais. C'est monde, ça qui me rend ouf, c'est genre. Ah, qu'est-ce que ça aurait changé? Vous étiez dans un vaisseau? Ouais, elle avait pas besoin de combattre. Enfin. C'est complètement débile. Surtout quand, à mon avis, Finn tire mieux que Rey. Hein. Mais oui, c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Ils s'engueulent juste pour s'engueuler. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que. À aucun moment dans le film ils se réconcilient. C'est-à-dire qu'ils s'engueulent sans arrêt. Quand Rey va sur les restes de l'étoile de la mort, le mec il se barre sans elle. Le mec il dit fuck Rey, qu'elle aille se faire foutre, moi je fais mon truc et tant pis pour elle. Et c'est la dernière fois qu'il parle d'elle avant qu'ils se retrouvent. Non, parce que le mieux, c'est qu'en plus, ils vont sur Exegol, tous, ils y vont, machin. Ils butent l'empereur, bon, blabla, ils défoncent la flotte du Final Order, là, de merde, et ils rentrent sans elle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tous les mecs qui étaient là, ils se disent putain, il est passé où, Rey? Faudrait peut-être qu'on descende sur la planète, voir un peu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il arrive à un truc, peut-être qu'on aille voir. Les mecs, non, ils finissent leur bataille, ils sont contents, ils se cassent, ils rentrent sur la base, et là, à ce point plus tard, genre en mode vous avez bouffé tous les petits fours. Ils s'en battent les couilles de savoir où allait passer la meuf. Ils ont l'air tous en bon état et elle est complètement défoncée à la fin quand elle les rejoint. Bah, c'est la seule d'entre eux qui est morte entre temps. Hein, oui. Je te rappelle. Mais d'ailleurs, Finn, il la sent mourir, mais il la sent pas ressusciter, tu vois. Genre. Ouais, mais il voit le vaisseau de Luke. Hein, ah, Red 5, putain, vous avez eu la référence aussi, c'était dans le film. C'est incroyable parce qu'il a ses quatre ailes. Une qui a servi de porte à une cabane dans l'épisode 8 et 4 ouais, sont là. C'est marrant ça. Hein bref, on est parti complètement en avant, mais ouais, bah de toute façon, on s'en fout. C'est tout le truc du oh bah Palpatine est revenu. Écoute, puis là, t'as la première fois pour la toute première fois. Alors, déjà, t'as Aftab Akbar hein, parce que tu vois, pareil, moment Reddit. Alors là, c'est moment Reddit x2 parce que. C'est le fils de l'amiral Akbar, tu sais, qui était mort. C'était lui qui aurait dû faire la manœuvre d'Holdo, hein, d'après Reddit. Oui, bien sûr, parce que c'est... Et non seulement ça, mais en plus, il est joué par Chris Terrio. Mais oui. C'est encore, tellement encore, extraordinaire. C'est Akbar, machin, j'aime beaucoup Akbar, même si ça ne va pas déranger Kicklamps. J'étais content de le revoir, et après, j'ai appris que c'était Chris Terrio qui faisait sa voix. Je fais « Ah, dégueulasse !» Mais pareil, surtout que moi, j'ai lu le comics avec Aftab et j'aimais bien ce personnage. Il est cool, son design, tout. Non, il est, oui, mignon, moi, il est mignon comme tout, Aftab. Un mannequin, le jeune, et tout, ça rend super bien à l'écran, ça marche bien. Et il a fallu que l'autre vieux connard, là, il pose sa voix de merde dessus. C'est clair, vous savez, ce qui est très drôle, par contre, c'est quand il est dans un X-Wing, il est habillé exactement pareil qu'à la base, il a pas de flight suit, il a pas de casque, ni rien. Et juste comme ça, dans le X-Wing, il fait « Mais qu'est-ce qu'on a à faire ?» Tu es sûr qu'ils n'ont pas mis le coup, il y va en pyjama, lui. C'est la copie de B-Wing, il faudra que je vérifie, mais... Oh, non, j'ai pas envie de le vérifier, j'irai pas voir ce film. Bref, et pour la première fois, du coup, on entend parler le meilleur personnage du film. Beaumont. C'est Dominic Monaghan. Beaumont, oui. qui se met à parler et putain, j'avais vraiment oublié à quel point c'était naze. Et il fait ah oui, mais alors comment il a fait pour revenir? Tu sais, les gens ils sont là, mais comment il a fait pour revenir? Ah bah de la magie, de faire des clones, hein, des secrets que seuls les Sith connaissaient. Oui, bah, les fameux Sith de Kamino, connard. Et c'était juste une planète de cloneurs, parce que dans l'épisode 2, il dit c'est des bons cloneurs, eux, parce que t'as les mauvais cloneurs, c'est sûr. Ouais, on les a vus, ouais. Et tu dois en avoir plein dans la galaxie, et je pense pas que c'est tous des Sith. Et genre, elle est tellement naze, cette réplique. Dominique Monaghan, je l'aime bien comme acteur, j'ai de la sympathie pour lui après Star Wars Andor et tout. Et j'étais content de savoir qu'il allait jouer dans Star Wars. Après, quand j'ai su que c'était suite à un vieux pari entre lui et Abrams, ça m'a cassé les couilles. Mais en plus, en voyant le personnage de merde qu'ils lui ont taillé, qui bouffe de l'espace en plus au personnage de Rose, ça m'a saoulé encore plus. Quoi. Enfin, c'est un gros mansplainer. En fait, le mec, c'est c'est Reddit enfin, aussi. Monsieur, comment on appelle ça déjà? Exposition, c'est Monsieur Exposition en gros. Ouais. Enfin, c'est il sert qu'à ça, mais mal en plus. Mais oui, mais non, lui, il a acheté là, vous savez là, il y a quelques années ce guide, il y avait le guide du côté clair et le guide du côté obscur. Lui, il a acheté le guide du côté obscur. Il a appris par cœur. C'est trop. C'est tellement après, ça. Dans mon souvenir, je pensais qu'il parlait plus que ça, machin. Donc, il parle plus que Rose, évidemment. Mais j'avais l'impression quand même qu'il était plus présent. Donc, ça passait mieux la deuxième fois. Ouais, ça passait mieux, mais la deuxième fois, par contre, t'as plus le truc de « Ah, c'est Mary, trop cool ». Non, ouais, par contre, là, c'est fini, tu sais avec déjà. Avec vous, je veux dire, ça n'a pas de sens comment il connaît tous ces trucs-là, quoi. Bah parce qu'il a un diplôme d'histoire à la base. Le mec, il ne regarde pas de travers, quoi. Enfin, c'est genre, mais comment tu sais tout ça? Enfin, elle a eu accès au livre là sur la planète sur Actu, mais lui, voilà. Ah, mais tu sais pas, maintenant, du coup, dans le guide visuel du film, ils ont dit que. Alors, dans les comics, on voit qu'elle elle étudie les livres avec ses 3PO. Et puis, t'as JJ et Terrio qui ont fait « Non, non, elle a pas étudié avec ses 3PO, elle a étudié avec ce mec-là. » Les livres. C'est lui qui lui a expliqué, en fait, le livre des Jedi. C'est ça que je disais que c'était un livre. Elle est trop conne pour apprendre toute seule, c'est ça le problème. On est d'accord que ce guide, je crois que c'est Pablo Hidalgo qui l'a écrit, hein. Ouais. On parle du guide. Non, mais non, c'est le preu... Ah, mais c'est trop génial. Tu savais pas, mais c'est Pablo Hidalgo et Chris Terrio. Tu veux dire que le mec, il a lui-même taffé sur le bouquin qui essaie de rattraper toutes les bourdes de son film. Oui. En mode, je vais foutre des pansements partout, personne ne verra rien. Quoi. C'est Chris Terrio qui a dit que Chewie n'était ni de gauche ni de droite. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Putain de merde. Ouais. À ça là, maintenant. Allez, on avance. Non, on n'a pas parlé de Léa. Ah oui, la première énigme où ils sont là, genre, mais comment on va faire pour aller sur Exegol? Et du coup, au lieu de chercher comment y aller, il y a Rey qui arrive et qui fait bah on y va comme ça. Ouais, c'est vrai, il apprend son bouquin, genre, ah, mais je l'ai lu la semaine dernière, justement. C'est lui qui l'avait trouvé dans les livres. Mais si lui qui le savait, pourquoi il y est pas allé? Pourquoi il est pas allé mettre fin à tout ça? Il pouvait pas, il y avait la piscine. Non, ça, c'est pas vrai parce que ils expliquent dans le film. Ça n'a aucun sens parce que on rappelle hein, que dans l'épisode 8, ils disent clairement que Luke il a pas lu les livres. Mais maintenant, en fait, il les a tellement pas lus qu'il les a annotés et tout. Non, ça on sait pas s'il les a pas lus, Grushkov. Mais Tayoda lui dit, tu les as lus et l'autre il fait. Oui, non, mais oui, à mon avis, c'est juste Mark Hamill qui a chié. Non, mais à mon avis, vraiment, il les a lus. C'est juste Mark Hamill qui a chié son jeu d'acteur à ce moment-là. Mais je pense vraiment qu'il les a lus. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, pour moi, il les avait lus. Et justement, c'est pour ça que Yoda lui dit ils sont pas très plaisants à lire. Hein. Il lui dit est-ce que tu les as lus? L'autre, il fait. Et puis l'autre, il lui dit ils étaient nuls. Bien sûr que je les ai lus, tu vois. Littéralement, il lui dit page turners, they were not. Donc, clairement, c'est que genre, il a essayé de les lire, il les a pas. Enfin, c'est pas le genre de truc où le mec, en fait, il avait mis des annotations dans le truc et tout, s'il se faisait chier. Oui, ça d'accord. Il les a lus avec reluctance, mais il a clairement pas dans les marges et tout. Ou alors il a fait des dessins dans les marges. Ouais, tu sais, il a fait les S là. Ouais, ça va bien. En fait, on croyait depuis le début que c'était genre juste un truc comme ça, mais en fait, c'est le S de Skywalker. C'est lui qui les a fait. Donc, personne ne sait d'où il vient, mais en fait, ça vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Il y avait un moment un vieux mec qui écrivait ça partout où il allait. Et au pire, s'il les a pas lus, je sais pas, il a acheté l'audiobook ou lu par Yoda. Mais comment il a pu comment il a pu noter l'audiobook? Bref, moi j'ai trouvé ça bizarre quand même. Tu voulais parler de Leia, Tuki. Alors moi, autant Leia, quand je l'ai vu au cinéma à chaque fois, ça me faisait un pincement au cœur. Autant là, franchement, elle est tellement absente du film, j'en avais rien à foutre. Ouais. Bah, moi, la première fois que j'ai vu le film, direct, je me suis dit, mais c'est super mal intégré, ces répliques. Ouais. C'est genre, on va répéter une partie de sa phrase, ou on va dire une partie de sa phrase avant pour faire genre, regardez, il y a vraiment le raccord, parce qu'ils disent les mêmes mots dans les deux phrases. Et je trouvais ça super mal fait. Grushkov l'avait pas remarqué sur... C'était compliqué le truc perso. Grushkov l'avait pas remarqué sur le moment, et hier, quand on l'a re-regardé, il était... Putain, ouais, c'est genre avec des gros sabots, quoi. C'est tellement... Si c'était pour faire ça, il fallait autant pas l'intégrer, quoi. Enfin, Y a un truc... Clairement, il n'y a pas besoin de la garder. Enfin, pas besoin de la garder au scénario, je veux dire. Hein. Pas besoin de faire ça. Tu sais, ça, pour le coup, c'est vrai que le film, bah, ils n'ont pas trop le choix, malheureusement. Mais tu sais, dans The Last Jedi, il y a un truc qui fait, qui n'est pas vraiment dans d'autres films, mais c'est genre, au début du film, il y a des personnages qui disent certaines répliques. Et à la fin du film, il y a d'autres personnages qui redisent les répliques. Mais ça a un nouveau sens, tu vois, parce que entre-temps, ils ont grandi, machin truc et tout. Et il y a un truc... Ils arrêtent pas de faire ça dans ce film-là. Le problème, c'est que c'est pas la réplique au début du film, la réplique à la fin du film. C'est la réplique à un moment, la même réplique 5 minutes après, et c'est tout. Et en plus, il y a tout le truc super forcé de Leia qui dit « Never underestimate a droid ». Et 10 minutes après, il y a Rey qui dit à BB-8 oh ouais bon on est en pleine course poursuite et BB-8 il fait exploser des trucs et puis il y a Rey qui fait ah oui never underestimate a droid. Non, mais en fait c'est Ready Player One Star Wars, enfin façon Star Wars, oh, putain, c'est ça. Et genre putain mais c'est pitoyable. Référence, t'as vu. Et dans le genre de trucs qui sont amenés à la truelle, c'est pareil, genre à propos de l'identité de Rey, genre franchement en 20 minutes de film t'as 3 ou 4 fois des trucs comme ça amenés à la truelle, genre accepte ouais. Qui tu es, oh c'est qui, dis-moi qui elle est. Mais oui, c'est pareil, aussi. Juste après, dès qu'ils sont sur Passana avec la gamine qui veut savoir son nom c'est de famille. C'est quoi ton et tout, nom genre, j'en ai peur. Toutes les 2 minutes, quoi. Ça je reviendrai après, mais j'ai l'impression, pour ça et d'autres raisons, j'ai l'impression qu'Abrams, parce qu'il a participé au scénar, hein, que Stario, c'est un connard, ouais. Il n'a pas tout fait non plus, il avait un complice. on a l'impression que le film, on dirait des bouts de série, enfin des épisodes d'une série mis bout à bout. Ouais, c'est un super cut. On a des cliffhangers, on a des moments comme ça, des espèces de même de résumé de ce qui s'est passé 10 minutes avant, des flashbacks foireux, des voilà comme tu dis des phrases qui reviennent et tout, des espèces de il joue là-dessus sur son identité alors que il traîne ça en longueur. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est genre une série qui a été mise bout à bout, des épisodes d'une série mis bout à bout et ça marche pas. Quoi, c'est la compile, c'est la compile sur YouTube d'une série mais fait par quelqu'un qui est pas du tout professionnel et tout, qui fait ça à l'arrache, c'est monté avec un monteur défoncé à la coke surtout. Oui, c'est ça, mais la personne elle sait pas faire du montage et tout, et ça fait n'importe quoi. Un des trucs qui m'a saoulé par rapport à Leia et Rose, c'est à un moment t'as Wedge qui vient donner des infos, et puis t'as Leia qui lui demande est-ce qu'on a des nouvelles du faucon. Il fait non, pas de réponse. Mais genre, normalement, il dit juste non, pas de réponse. Et t'as Rose qui vient qui fait tu pourrais dire ça autrement, hein. Et puis Leia qui fait tu vas être optimiste, hein. Et puis il fait C'est pas Wedge, c'est Snap. C'est Snap, pardon. C'est presque Wedge parce que c'est son fils adoptif. Voilà. Tu sais, il meurt juste avant que Wedge il arrive. On arrive à la fin du film, c'est pas avant demain, mais c'est génial ça aussi parce que regardez, on a le descendant spirituel de Wedge, parce que c'est ça, hein, on va. Oui, c'est ça. C'est un Wexley, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent. Avant d'être, à moment où il est apparu dans l'épisode 7, il y a eu une trilogie de bouquins, la trilogie Riposte, et en gros, on suit son enfance jusqu'à sa vie de jeune adulte, et il rejoint la résistance et tout ça, et il est pris en partie sous son aile par Wedge. Wedge qui à un moment donné est devenu une espèce de loc, il veut aussi trop se mouiller machin avec la République et tout, j'ai pas envie d'avoir de problème, je suis bien et tout, lui il le botte un peu le cul, il le remet un petit peu sur les rails, bref c'est un peu le descendant spirituel de Wedge, c'est un personnage super cool, et ce qui est génial c'est que dans ce film et ben il le bute Abrams, donc déjà lui il crée un personnage qui va venir buter dans le dernier film, il s'est dit tiens bah, j'en fais ce que je veux, c'est à moi. Et en plus, bah, genre, il lui donne quelques scènes avant, et ça, qu'on s'attache un minimum, bah oui, parce qu'il a une bonne bouille en plus, cet acteur. J'aime beaucoup cet acteur. Génial, ouais, c'était triste. Je l'aime bien. Heroes, c'est une série de merde, mais j'aime bien cette série juste parce qu'il y a cet acteur en partie. Quoi. En vrai, Heroes, c'est des moments cool. Il y a des moments cool, les premières saisons, c'est sympa, mais voilà, juste j'aime bien cet acteur, bref. et ce qui est génial, c'est que donc, ce personnage meurt, alors. En plus, dans une scène assez pathétique, parce qu'on essaie de nous amener beaucoup d'empathie, genre, oh, regardez, ils sont en train de perdre, il est mort, Poe, il est pas bien et tout. Et juste après, qui c'est qui débarque ? Eh ben, on a Lando qui débarque avec tout le monde. Et qui, autour elle ? Wedge. Et on vient encore célébrer les anciens, tu vois, les jeunes de la postlogie perdent, et c'est les anciens qui viennent sauver la mythe, c'est la trilogie originale qui vient à la charge. Ça ouais. M'énerve. C'est un des pires trucs du film, ça. Ça a l'air anodin pour quelqu'un qui s'en fout, c'est anodin. Mais le molar qui est balancé comme ça c'est un pur aveu d'échec, cette scène-là. Hein. C'est vraiment genre, t'as le vieux qui arrive et t'as. Vraiment, je déteste ta Finn qui fait « You did it, Lando! You did it !» Et genre, mais écoute-moi, espèce de connard, c'était toi, normalement, qui devais faire ça. C'était toi, Finn, qui devait devenir le leader. C'est pas Lando, c'est pas Chewie, c'est pas Wedge, c'était toi. Que les anciens, tu les vois, et pour qu'ils les mettent sur la voie, éventuellement. Oui. Ok, mais c'est pas eux de venir sauver la mise à la fin, c'est pas eux de venir sauver la timbale, de gagner la guerre. Enfin, ils ont déjà eu leur guerre. Ils l'ont déjà fait. Même Lando le dit, il est fatigué, il est plus là pour ça. Attendez, je comprends pas pourquoi Mark Hamill n'était pas content alors quand ils ont sorti le film. Mais parce qu'il est jamais content. Il est jamais content. Bah, encore, il devrait être content parce que là, en plus, Abrams l'a rendu force sensitive, il devrait être quand même assez content, mais non, ça suffit pas encore. Il a pas eu de sabre. On parle de Mark Hamill. Il parlait de Mark Hamill. Oh, pardon, j'étais resté sur John Boyega, j'ai mal entendu. Mais c'est parce qu'on a dit qu'il râlait tout le temps et il râle tous les deux. Bah oui, il râle tout le temps aussi. Lui. C'est les mêmes Mark Hamill et John Boyega. Mais il y a beaucoup de similarités hein, dans leurs derniers propos, enfin, dans leurs dernières attitudes. Hein. C'est, bref. Ils ont tous les deux bitché, mais bref. Ils partent sur Passana, ouais. Passana, alors. Moi, j'arrive à la Star Wars célébration sur Passana. Ah! Non, ça, c'est un petit moment cool du film, honnêtement. Mais non, c'est. Non, c'est Burning Man. C'est Burning Man. Ah oui! On parle, non? Non, parce qu'on parle bien du grand festival, oui. Ouais, ouais. Le truc qui arrive comme par hasard, quoi, tous les 42 ans ou je sais pas quoi, là. Ouais. Ça y est, c'est déjà daté. C'est déjà daté, bon, la référence, elle fonctionne déjà plus. Trofeo a une petite scène rigolote, ça allège un petit peu l'ambiance, ça fait plaisir. Il est marrant ce passage. Ouais, mais heureusement que Trofeo est là dans le film. Ouais. Mmh. Bah, j'ai envie de dire, ça fait quand même cher payer juste pour quelques scènes sympas avec Trofeo. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais c'est joli, je veux dire. En plus, les aliens, ils look cool. Et puis même, voilà, c'est vrai que. À part des victoires militaires, on voit pas souvent les gens qui se marrent, qui font la fête. C'est pas vilain, c'est sympathique, mais franchement, désert, tout ça, ça vaut rien. Mon amour pour Tatooine maintenant, ça reste un désert. Quoi. Enfin, moi, j'ai trop rigolé parce que tu sais, Rey, elle disait dans le set, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de vers dans toute la galaxie. Et dans notre saga MP3, Rey Person, on en a fait un running gag où dès qu'elle arrive quelque part, elle fait « Ah, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs !» Et quand elle arrive sur Passana, elle dit cette phrase. Ah, j'ai jamais vu un tel truc avant. Et tu sais, c'est genre « Ok, donc c'est Rey, elle a juste régressé comme d'habitude, comme tout le long du film. » Mais là, c'est même pas le pire truc, c'est ta Finn qui arrive à côté qui fait « I never seen so few Wayfinders !» Mais ferme ta gueule. C'est quoi cette réplique de merde ? Ouais. Pourquoi vous faites de Finn un gros chieur dans ce film ? C'est quoi le principe là qu'ils essayent de faire ? Pourquoi il vient faire chier Rey qui est contente ? C'est quoi cette merde ? Et pourquoi il va faire chier Po après ? Parce que Po il fait des trucs et l'autre il arrive. Ah bah pourquoi tu fais ça ? Finn, c'est un gros emmerdeur dans ce film là. Je le déteste. Super relou et. Et en fait, il est super relou. J'aurais dû cocher à chaque fois qu'il crierait dans le film parce que c'est encore pire que le 28 fois. 28 fois, il le dit. T'as compté ? Ah, vraiment compté ? Non, pas moi. Il y a d'autres gens qui ont fait un montage et ils ont dit, il le dit 28 fois. Oh la vache, putain. 28 fois. Et le mec, il passe son temps à gueuler Rey, il passe son temps à faire chier le monde. Il a essayé de la suivre partout en plus. Il est con, un putain de stalker. Genre, quand il est squatté sur Mentor, il lâche-lui la boucle, la touffe, là, putain, merde, fais son truc avec l'autre, occupe-toi de ton cul. Mais le pire, ton mec, son espèce de côté fort sensitif, il sert juste à expliquer les bails. Oui, genre le film est tellement. Ah, mais c'est totalement, un gadget, quoi. Ah ouais. Genre, ils n'avaient pas de meilleure explication. Il faut qu'on aille faire ça. Pourquoi ? Oh, une intuition. Ouais. J'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils étaient en colère contre The Last Jedi parce que pour eux, Finn était clairement force sensitive, alors qu'en vrai, c'était à cause de JJ qui avait fait semblant d'en faire le Jedi dans la promo. Et attends. Parce que du coup, les gens, ils étaient contents. Ils disaient, ah bah, au moins maintenant, il est force sensitive. Mais attendez, mais ça, c'est un gros crachat dans la gueule. Enfin, il est force sensitive, mais c'est juste parce que ils ont besoin d'expliquer des trucs qu'ils savent pas expliquer. C'est littéralement ce qu'ils disent en anglais. Je sais pas comment dire en français, mais c'est plot device. J'avais fait le truc. C'est un même comme ça, c'est genre quand Po il disait ah t'es pas juste à Holdo il disait t'es pas juste une peureuse, t'es une lâche, t'es une traîtresse. Et je sais, c'est JJ qui est là genre la force c'est pas juste un super pouvoir, c'est aussi un outil scénaristique, ok. Ouais, clairement ça sert à rien. Bon, elle lui sert à rien la force, c'est juste ah j'ai un feeling et Il est assez pitoyable de ce point de vue-là, c'est qu'il a plein de vieilles ficelles comme ça, mais qui sautent aux yeux. Parce que, pareil, tout le passage sur Acto avec Luke, c'est cousu de fil blanc, mais ça se voit à 1000 km que le mec ne savait pas comment rebondir. Ils ont fait ça comme ça à l'arrache, en plus en glairant au passage sur le 8. Il y a des Deus Ex Machina pourri, enfin, c'est. Donc, ouais. C'est mal fait, c'est juste mal écrit. Enfin, de base, genre, je pense. Je crois que je l'avais dit à l'époque du live, c'est que... Tu l'as dit plusieurs fois. Oui, mais tu retires l'affect Star Wars, tu retires l'affect Star Wars, tu fais un swap, tu changes tout l'aspect du film, ça reste juste un film mal écrit. Ouais. Tu joues ça dans l'univers de fantasy à la pareil, ça marche pas. Du coup, je voyais les gens qui étaient contents du truc de Finn, et moi, je trouve ça insultant, et pire que ça, parce que dans le film, ils disent... Clairement qu'en fait, s'il a décidé de plus être un Stormtrooper, c'est pas parce qu'il était courageux au fond ou machin truc et tout. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est à cause de la force qui... Mais tu te rends compte que le personnage noir de la trilogie, qui était censé être un héros qui apprenait à suivre son courage, machin truc et tout... Les mecs, ils lui ont retiré ça. Ils ont dit ta gueule, c'est la force depuis le début. C'est lui-même qui le dit en plus. C'est Finn qui le dit. C'est terrible. Et je sais qu'il y a plein de personnes noires qui trouvent ça cool qu'au moins il soit force sensitive. Moi, je le prends vraiment comme une insulte. Surtout qu'il n'y a pas besoin de ça, quoi. Ouais, ça le rend moins bien. Moi, je trouve que ça rend Finn nul à chier. On peut pas en vouloir, mais c'est normal. Oui, non, mais je comprends les gens qui voulaient, mais la façon dont ils l'ont fait, c'est... Mais moi aussi, au début, je voulais, en regardant le trailer de TFA, j'étais trop content de voir qu'il y avait un gars noir qui allait être Jedi, tu vois. Il se trouve que c'est pas le cas, parce que JJ l'a pas voulu, moi, ça me va aussi, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Pas des retournements de situation au dernier film, quoi. Puis en plus, du coup, il est pénible en bonne partie à cause de ça aussi derrière, parce qu'il veut en parler à tout prix à Rey, après il veut plus, l'autre il lui demande qu'est-ce qu'il voulait lui dire, mais lâche-moi la grappe, machin, je pourrais te le dire. Ça sert à rien tout ça en plus. Putain. Allez, on avance. Bah, moi, on est sur Passana. Passana, la scène avec... Du coup, on est sur Passana, du coup, on va pouvoir parler de plein de trucs super cool. Voilà. Ben, le truc super cool, le meilleur moment du film, c'est quand il y a le... Tu sais, ils sont dans l'espèce de vaisseau, je sais pas quoi, là. Ils ouvrent une petite trappe, et puis c'est un alien qui conduit. Il se retourne et il fait « Ok !» Ah oui. Et c'est le meilleur moment du film. Il me fait rire, j'avoue, c'est... j'ai rigolé. Je suis désolé, Babou Frick, mais cet alien-là, il est beaucoup plus efficace. Mais l'échange Kylo Ren, on s'en fout un peu. Kylo, tous les trucs où il a le masque, c'est tout pourri. C'est trop drôle parce qu'ils discutent et genre, pourquoi... Avant, tu sais, dans The Last Jedi, quand ils avaient les Force Bonds comme ça, les connexions, ils faisaient juste un champ contre champ. Tout ce qu'il y a de plus simple, avec quelques effets sonores. Mais là, non. Autour de Rey, ça devient la nuit d'un seul coup. Tu sais pas pourquoi. Oui, j'ai pas compris. Est tout dark. C'est quoi le projet? Et après, quand c'est ça se finit, projet, c'est plus la nuit. C'est même pas la nuit chez Kylo, en plus, parce que j'ai bien aimé... Enfin, quelque part, j'ai bien aimé ce qu'ils ont essayé de faire avec des objets qui interagissent, machin et tout. C'est rigolo. Ouais. Mais là, oui, la nuit, j'ai pas compris, c'est genre juste... Mais oui, là, c'est pas ça, du jour à la nuit, de la nuit au jour. Mais oui, le côté obscur, la nuit, il fait sombre. Mais oui, mais moi, c'est pas comme ça, avant. C'est le côté obscur qui arrive, ce qui fait il fait nuit. Je pense que c'était juste un truc de mise en scène, ils voulaient pas le faire de la même manière que dans le film précédent. C'est pas méga subtil, oui. C'est vrai. Qu'elle changeait un peu du... en détachement de ce qui se passe autour. Autour, il fait beau, il fait jour, et là, elle est détachée de tout ça, elle est dans... avec Kylo, quoi. Mais... Zimut, toi qui étais en direct sur Passana, ce passage du jour à la nuit, c'était comment? Ah ben, je pas regardé, moi, je mangeais des brochettes avec les aliens et tout, voilà. Il y avait un petit atelier do it yourself, là, de poterie et tout, voilà. Je dois avouer que j'ai un peu pas trop suivi tout ce qui se passait. Ça a choqué personne, là, qu'il fasse nuit d'un coup et qu'il fasse jour d'un coup? Ah ben non, moi, il y avait un mec qui faisait du beatbox et tout, donc moi, je suis allé voir ça, j'ai pas trop suivi toute l'histoire, là, donc... C'est un chevalier de Rennes. Si tu tenais à faire ça, tu disais, bah, ils font une fête parce qu'il y a une éclipse à tel moment, et pendant l'éclipse, tu fais ton échange avec Kylo. Et ça marche. C'est vrai qu'on a... Et en plus, ça aurait été une bonne idée scénaristique, tu vois. Bah ouais. Enfin, symbolique. Symbolique, tu vois. Il y a un truc à faire, oui. Enfin, on parle de tâcherons, hein, donc faut pas en demander trop. Mais... par contre, clairement, juste, je pensais que tu allais dire ça, Grush, je fais très vite, mais avant, quand ils discutaient entre eux, il y avait les personnages qui évoluaient. Chaque échange. Oui, non, mais ça, c'est parti du film, mais pour tout le monde, de toute façon. Donc, est-ce qu'on a besoin de rappeler à chaque fois? Dans le 9, là, cet échange-là, en tout cas, il sert juste à Kylo à récupérer le collier pour savoir où aller. Ouais. C'est juste ça, en fait. D'ailleurs, il a récupéré son masque parce qu'on a oublié de parler des meilleurs personnages de la trilogie. C'est qui? C'est son gang. Il a récupéré son gang. Je les aime bien. Je les aime vraiment bien. Mais vraiment, à chaque fois que tu les vois, t'es mort de rire parce qu'ils sont juste là. Ils servent à rien. Ils sont juste là. Les voix, ils marchent comme des gros badass, et puis ils tâchent le sol dans le vaisseau, ils foutent de la boue partout, leur vaisseau il crache du diesel, enfin il crache de la fumée, on dirait. Oui. Mais vous vous moquez, mais attendez, ils sont super fiers de leur armure qu'ils ont fait pour leur GN, et ils veulent montrer à tout le monde. C'est trop ça, c'est vraiment trop ça. Et à chaque fois que tu les vois, t'as envie de passer un morceau de métal pourri en fond. Putain, j'ai envie de mettre du kick-pack, mais ça, c'est pas pourri pour le coup. Derrière, mais... tu les vois. Ils arrivent et... I put my trust in you. Moi, ils me font beaucoup rire et j'aime bien les voir. J'avoue que c'est vraiment ce qui me fait beaucoup rire. Ah non, moi aussi. Quand j'ai revu le film hier, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là? J'ai rien, je rigolais. Où Kylo refait reforger son masque, ça m'a un peu buté parce que c'est un singe. C'est littéralement singe, hein. C'est trop drôle. C'est Warwick Davis en plus qui le joue, je crois. C'est juste un singe. C'est genre un singe avec des longues oreilles pointues et puis des lunettes et puis il arrive à faire à souder. Tu penses que c'est Warwick Davis qui le joue? Kylo nous confirme bel et bien son identité de Weeb. voilà, tout ouais, ça, le Tsungi, tout ça, vous connaissez déjà, mais ouais. J'aime bien qu'il je confirme ça. Beaucoup avec tout ça, c'est que Grushkov, il nous avait fait des théories de ouf et qui tenait la route, hein, mais... Ah bah non. Pas le truc, d'ailleurs, mais il était à fond sur le Kitsugi. Oh, il va reforger son masque, mais c'est pour un symbolique, il y a plein de trucs derrière, c'est hyper profond. Et en fait, c'est juste que bah, visiblement, les mecs ne savaient pas quoi lui faire dire réellement. Donc, ils se sont dit, t'inquiète, GG, on va lui remettre son casque. Comme ça, on pourra le redoubler par-dessus en post-prod. Et le masque, je crois que si je ne me trompe pas, il tient 20 minutes dans le film. Un truc comme ça. Enfin, ah non, mais même pas. Hein. Donc, j'adore, c'est que... Avec son masque. Il enlève sur Kijimi. Trop de chip. Non, il enlève... Si, Kijimi. Alors, sur Kijimi, il le garde. Il l'enlève. Quand tu dis il l'enlève quand il arrive dans le hangar. Et après, tu ne le vois plus jamais. Ouais. Voilà, il disparaît. Il arrive sur. Il y a quelqu'un là-bas qui l'a ramassé, il l'a gardé. Non, mais il s'est envolé encore plus. Il a mis les gaz un petit peu là, tous les coups. Il arrive sur Passana, il l'a dans son vaisseau. Le vaisseau explose, alors ça, on va y revenir d'ailleurs. Le vaisseau explose et il sort du vaisseau et il a déjà plus le masque, il le tient dans la main. Genre, pourquoi t'as ton masque? À quoi ça sert? Pourquoi tu l'enlèves toutes les 10 secondes? Le pire, c'est qu'il a... À la base, il avait un sens, ce masque. Il imitait Vador. Il n'imite plus Vador. Pourquoi il repousse son masque? Non, mais en vrai, il est obligé de le garder tout le temps à côté de lui, au cas où, tu vois, son groupe de GN cosplayer là, arrive, parce que sinon, ils vont le faire. Hé, c'est les règles hein, d'avoir un masque la prochaine fois, on te banne. Il est obligé de le garder tout le temps sur lui, parce que s'il se fait contrôler sans le porter, il prend 135 euros d'amende. Ouais, c'est ça. Ah, qu'il bosse le groupe. Hey, t'as pas ton masque, t'as pas ton masque. Mais en plus le film se fout clairement de notre gueule parce qu'on a la scène où il ramène le cadavre de Boulio, enfin la tête de Boulio sur la table, on a un vieil échange entre lui, le seul d'ailleurs je crois, entre lui et Hux. Ils en ont un seul autre. Mon apparence générale, non c'est sympa, très joli, machin. On s'en bat les couilles. Oh, c'est terrible couilles. Parce qu'il est vraiment, il fait vraiment de son mieux, Gleeson, mais... Un pauvre Hux. C'est énorme pour lui, j'ai adoré ce personnage, vous le savez, ceux qui ont écouté les autres épisodes, vous le savez aussi, mais... Il est bien de se foutre de sa gueule. C'est un de mes plus gros, une de mes plus grosses déceptions du film. Mais très rigolo avant, mais... Fangirl de Kylo qui me fait trop marrer, genre t'as Hux qui est « Non, c'est ok », puis la meuf fait « Ah, moi je le trouve trop beau !» C'est la côté... Et genre moi j'aime bien. Et genre qu'est-ce que c'est que cette scène, genre tu sais, tu fais ok, il a refait son masque, d'accord, et puis t'as la scène genre je sens que vous allez pas bien, que ça, tu te dis oh merde, ça se trouve c'est lui l'espion et il l'a découvert et tout, il y a quelque chose qui te gêne sur mon apparence, tu parles et de ton masque. Avec le recul, c'est genre Gigi s'est dit je vais lui remettre le masque, mais pour pas que ça râle, je vais faire cette scène et puis je vais me auto-congratuler à ce moment-là. Moi j'aime bien cette idée, je suis fier de moi. Oui, bah, c'est complètement con. Et puis en plus, jette des fleurs lui-même. C'est genre, oh très joli, oh oui, très joli. T'imagines un peu le truc, tu demandes à quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas avec mon apparence, il fait, ah tu parles de ton nez. Tu vois, c'est un peu ce même truc, c'est genre, ah ouais, ok, donc ça va pas. c'est le mec, genre, oh là là, je suis trop moche, quoi. Fait, non, tes oreilles, elles sont sympas, tu sais, alors que le mec, il a pas du tout parlé de ce détail-là. T'as ton charme. Et puis on voit l'avenir, et quand même, il y a quand même un point positif, c'est que... Du podcast, il y a un nouveau format et tout, juste pour dire à quel point je suis génial. et n'empêche, pour revenir sur le truc des vieux qui remplacent les jeunes dans ce film, c'est... Ils ont réussi à faire tuer Hux par un vieux. Alors, il était pas là avant, mais ils ont quand même dit qu'il a toujours travaillé avec Palpatine, tu vois, pour montrer que c'est bien un vieux de la vieille qui était bien là avant. C'est ça, genre un ancien matériel. Alors, pourquoi pas? En plus, honnêtement, je trouve que Christophe Barbier, il fait un super taf dans ce rôle. Amiral bouleversant. Franchement, depuis BFM TV, c'est vachement amélioré. Hein, il est excellent. C'est vrai, c'est Christophe Barbier. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais je crois qu'on est passé un milliard de scènes, on n'en est pas là. Mais bien sûr que si, tout ça c'est autour de Passana. Remarque, c'est parce que la scène avec Boulio et tout, c'est avant. Boulio, c'est... On n'a même pas parlé du moment où il dit que c'est lui l'espion. Mais non, mais ça c'est après. C'est après, on est déjà en train de parler du moment où il le bute. Oui, pardon, c'était un apprenti. Non, mais on parle un peu de tout en même temps. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est qu'effectivement, Hux, bizarrement, il n'est plus numéro 2. Il y a un autre mec qui s'est intercalé, qui sort de nulle part. mais qui est bien plus vieux et qui a connu l'époque de l'Empire, visiblement, sans le savoir à la fin, mais un ancien impérial qui est passé devant Hux, il sort de nulle part, on sait pas d'où. Alors que le traître, ça aurait dû être un vieil impérial désabusé. Kylo et Hux, je sais pas, ça aurait dû être la base de quelque chose du côté du premier ordre. Enfin, Hux, ça aurait dû être le méchant. Hux, ça aurait dû être le grand méchant. On parce l'a, que... on l'a dit, on en a parlé. Hein, mais... ouais. Kylo, il voulait le pouvoir dans l'épisode 8 et le 7 parce qu'il pensait que ça le ferait aller bien. Et maintenant, il a le pouvoir, il se rend compte que ça sert à rien. Enfin, c'était cousu de fil blanc. Il y a 10 000 trucs avec ce trope-là. Ils n'ont même pas été foutus de le faire. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est trop drôle. Et pour finir, par contre, oui, Richard E. Grant, il joue super bien. Ça, j'ai rien à dire. Ouais, bon, le pauvre. Je crois qu'il faisait super bien le taf. Il n'y a pas grand chose. Pour venir à Passala, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Bah, ils font la poursuite. Ils apprennent qu'ils ont des. Bah, il parle à Lando, on n'a même pas parlé de la rencontre avec Lando. Bah si, il y a l'autre qui dit OK. OK. On a parlé de l'alien qui dit OK. Il y a quand même un truc que j'aimerais bien, que j'ai apprécié dans cette scène. Enfin. Un truc qui n'est pas dit, mais qui que j'aimerais bien savoir, c'est j'aimerais bien qu'un jour Lando, ça marche pas parce que c'est ce que veut le film. T'arrêtes de couper la parole. C'est cette fameuse histoire où il dit justement qu'il, quand il est parti avec Luke pour trouver le premier Wayfinder, ça pour le coup c'est une histoire que j'aimerais bien connaître. Je sais pas pour vous si ça stimule votre curiosité. Non, parce que c'était bidon. Enfin, ça avait l'air complètement bidon comme le reste, donc j'étais genre. Non, pas dans le film, mais. Dans si le futur, je sais pas s'ils en font un comics ou un roman ou quoi que ce soit, quoi. Si c'était un vrai truc qui tenait la route, ouais, ça pourrait être intéressant de voir une aventure Lando Luke, mais là, mis comme ça dans le film, t'étais genre pourquoi, comment ouais, non, c'est pas, ça aurait rien ajouté au film, je veux dire, c'est déjà suffisamment confus comme ça, mais je sais pas, non, c'est peut-être le fait de repenser d'avoir les deux personnages à l'époque, justement, où ils étaient encore en train de se fighter contre l'Empire, ça, pour le coup, ça, je sais pas, ça m'a rendu curieux. Il devait s'occuper avec son Académie Jedi. Bah, je sais pas, il a posé des RTT. Tiens, Kylo, tu peux la relève pour moi. Mais voilà, c'était juste un truc. Voilà, peut-être que ça a intéressé que moi, donc les gens qui écoutent, c'est vous qui décidez. Non, mais c'est pourquoi pas. Mais ce film a retiré tellement tout intérêt pour ce genre de truc, enfin, ouais. Pour tout ce qu'il importe que je m'en passerai, quoi. Ouais, disons que le truc, c'est que tu te retrouves avec justement à devoir espérer qu'il y ait des contenus en plus qui sortent pour expliquer parce que le film ne tient pas tout seul, tu vois. Non, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, on notera que personne, enfin, ils n'ont pas eu le cran de sortir quoi que ce soit qui suit l'épisode 9. Hein. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais on n'a pas eu un seul comics ou roman qui suit ce film. Peut-être que, ouais, non, ils veulent peut-être attendre. Bah déjà, ils ont dit que les Star Wars allaient se calmer un peu, et puis vu l'accueil qu'il y a eu, ils veulent peut-être attendre que les je sais pas, éventuellement que les gens aient oublié le film. Mais ouais, non, ça m'a frappé parce que moi, effectivement, après avoir vu le film, j'ai essayé d'aller fouiner sur les sites internet pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe après parce que j'étais curieux. Et effectivement, il n'y a rien du tout. Mais donc, en fait, oui, voilà, la course-poursuite dans le désert avec des jetpacks catapultes, avec des motos catapultes. Et puis surtout Po qui vole les speeders parce que oui forcément c'est dans son sang quoi, il sait faire ça quoi. C'est... ouais, alors que Rey elle a plus l'habitude, elle l'a fait avec le faucon dans le set, tu vois. Et puis je veux dire, elle a grandi dans un endroit où elle était toujours avec des vieux trucs cassés qu'elle devait réparer elle-même, donc oui, voilà, elle a exploré plein de vaisseaux de fond en comble en apprenant à quoi servaient les pièces et leurs valeurs, etc. Donc mais en tout cas, ouais, non. Pas mauvais moment non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, la construction dans les airs. Moi, ça m'a donné un peu des vibes course de Podracer dans l'épisode 1. Notamment les passages dans le canyon et tout. La manière dont c'était filmé. J'aime bien l'idée avec la l'espèce de truc plein de pigments. Là. Ah oui, les explosions de couleurs. Ouais. Explosions colorées, là. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, d'ailleurs. C'est dommage, mais c'était cool. Never underestimate a droid. Hein. Oui, et non, mais bah sinon, il y a des trucs cool. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la fin là, pour celui qui ne va pas. Quoi. Enfin, oui, c'est ça. Mais en vrai, début, elle est cool, genre. Quand on avait fait le live, on s'était dit, oh, bah, le jet trooper là, qui s'écrase, bon, c'est un peu cartoon, mais c'est dans l'ADN de Star Wars, le cartoon. Hein. En vrai, après l'avoir revu, c'est juste beaucoup trop cartoon, ça désamorce tout le reste. Quoi. C'est, Tu ne m'as pas choqué, moi, perso, non, comme tu disais au début. Je trouve que c'est super cartoon. C'était dans l'esprit, voilà. En plus, je veux dire, ok, il y en a un qui explose, donc c'est un peu moche, mais il y en a l'autre, finalement, il se pète la gueule par terre, il ne meurt même pas, je vois, il n'y a pas de sang et tout, donc non. Non, mais l'autre qui on dirait un ballon qui se dégonfle. Un ballon de baudruche gonflé. Bah, je sais pas, moi, genre, ça me fait penser. Ça m'a rappelé les meilleures heures de Jar Jar qui marchait dans le caca. Ouais. Non, non, moi, ça me faisait penser un peu à l'épisode 6, la course-poursuite en speeder sur Endor. Ouais, mais elle est quand même plus. C'est le même esprit, c'est pas ça. Ça fait pas cartoon comme ça. J'ai bien aimé cette réplique. Ouais, c'est ma réplique préférée du film. Je crois. En français, ils disent bah, ils volent maintenant et ça m'avait bien fait rire. Ouais. Bah, surtout moi aussi, que ça se répète, c'était drôle. They moi aussi, now. Mais après, je me suis. Je me suis rappelé après que. Fly now. Finn, il était Stormtrooper. Genre, il devrait le savoir. Bah non, ça se trouve, c'est tout nouveau. Mais oui, mais pourquoi Finn, il demande à Poe? Ouais. Pourquoi c'est pas Poe qui demande qui exclame, tu vois, genre des fly now, tu vois, genre à son époque ils avaient pas encore le jetpack, hein, c'était pas ouais, en avis ils demandent pas, c'est juste vraiment ah oui genre, c'est vrai, il avait pas de jetpack, genre les jetpacks ils en avaient pas depuis la guerre des clones. Oui, bah, en tout cas Ron ils avaient pas trouvé de fournisseur, voilà. Et coupe budgétaire, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais bon, là, en tout cas la petite vanne elle marche, j'ai trouvé que c'était sympathique, quoi. La première fois ouais, mais au bout de 50 fois, enfin on l'a vu dans les trailers, on l'a vu dans le film, à chaque fois je trouve qu'au bout d'un moment t'es juste ouais. Moi ça marche toujours, hein, perso. Ouf. Ah bon. Disons c'est que ça m'arrache un sourire, quoi, voilà. Ça, je vous trouve un peu mou. C'est un peu comme Ray qui dit « You're a difficult man ». Enfin, je trouvais qu'avec son tempo, ça marchait bien. Voilà, ça m'arrache un petit sourire. C'est pas, je vais pas non plus m'esclaffer, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est ça. C'est que je rigole bien avec cette réplique. Ça me fait un peu oublier à quel point c'est médiocre tout le reste, quoi. Mais je veux dire... autrement, la poursuite, ça va. C'est juste la fin. Voilà, pour moi, le mec qui s'écrase comme un ballon de baudruche, c'est un peu naze. Mais ça, en plus, il y a une perspective niquée parce que je pense que la montagne, colline, je sais pas quoi, sur laquelle il s'écrase est beaucoup plus loin que, oui. que ça, parce qu'il change presque pas de taille au moment où il s'écrase dessus. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est vraiment trop. Ouais, et trop ça fait ultra cartoon. Ouais, je trouvais que ça sortait complètement. Je vous trouve un peu dur. Mais un peu cartoon, mais ça va. Mais là, ça, c'est vraiment trop cartoon. En fait, le problème, c'est que ça s'attarde trop longtemps. Dans l'épisode 3, je crois Lucas, il faisait ça différemment. C'était une connerie, voilà, soit dans un coin de l'écran, soit c'était un cut, ultra cut. Il te foutait un petit cri Willem dessus, voilà, parce que c'est la tradition, et il passait à autre chose. Là, je trouve qu'il s'attarde vraiment sur. Eh, regarde, le machin, il vole dans tous les sens avant de s'écraser. Quoi. Ouais. Alors, franchement, je sais pas si on avait la même scène, mais pour moi, cette scène dure 2 ou 3 secondes. Donc, franchement. Elle dure 2 secondes. Franchement, sur tout le reste, ça va. Hein, c'est parce qu'il y a de pire. Franchement, il y a plus de choses à dire sur le reste du film. C'est clair. Et si on parlait des sables mouvants, parce qu'il termine la poursuite et il tombe dans les sables mouvants. Tu sais, ce qui est rigolo, c'est Finn, il fait Ray, je t'ai jamais dit. Et ce qui est très drôle, c'est en fait, c'est du foreshadowing parce qu'au final, il lui dit jamais. Ray qui s'en bat les couilles d'ailleurs. Hein. Ray, ils sont tous en train de se faire aspirer dans les sables mouvants et t'as Ray qui est genre. Vous parlez tous les deux en même temps. Bah ouais, mais j'avais commencé. J'ai arrêté. T'as genre. Tu sais. Ils sont tous en train de tomber dans les cailloux mouvants parce que ça ressemble à des gouttes, des galets, bon, quelque chose. Et t'as, mais non, même c'est pas spécialement moche. Mais bon, bref. Et t'as Ray qui est genre oh non, Pépé 8. Et t'as Finn et Poe qui sont en train de disparaître avec Finn genre Ray. Mais elles sont fous, complètement de Finn. Elle est juste Bébé 8 est en train de tomber. Bébé 8 c'est le moins affecté parce qu'il y a pas besoin de respirer. Mais oui, en plus, non mais c'est. Il y a une réplique rigolote, c'est. C'est 3PO qui dit est-ce qu'on est au paradis? Est-ce que les droïdes sont acceptés ici? Ah bah, mais c'est parce que lui il se fait jarter de tout. On lui dit toujours on sert pas les droïdes, alors il dit pour une fois je suis accepté. En parlant de ça, c'est rigolo que Poe, techniquement son meilleur ami c'est BB-8. Je veux dire, ça fait des années que c'est son meilleur pote. Et c'est un connard avec tous les droïdes dans le film. C'est genre gros bâtard, il passe son temps à leur parler mal, mais pas que C3PO. Dès qu'il y a un droïde, il lui parle mal. Genre, c'est quoi son problème? Il y a un droïde qui a pissé dans sa soupe ou quoi? C'est quoi le... Alors, il est très possessif, il a de l'amour que pour un seul droïde. C'est pas commun dans un désert. Mais tu sais, alors, c'est encore plus drôle parce que c'est encore un argument contre le fait d'aller sur Passana et pour le fait de retourner sur Jakku. Parce que dans l'épisode 7, elle dit à BB-8, ouais, tu vas par là, il y a Nima Outpost, et fais attention aux Sinking Fields. Qui sont exactement ça. Et du coup, le mec, il a inventé une nouvelle planète désertique pour en mettre les fameux Sinking Fields, les sables mouvants. Et du coup, pourquoi ne pas aller sur Jakku? Ça aurait plus de sens pour les personnages. Et tu sais pourquoi ça aurait encore plus de sens? Parce que dans les comics et les livres, il est dit que Jakku, c'est un endroit qui a une forte concentration du côté obscur et que Palpatine y a fait des recherches sur la force et le côté obscur pendant des années et des années. Donc ce serait logique qu'on trouve un holocron site là-bas ou ce genre de truc. Tu vois. Et encore oui, bah, un autre truc, c'est... Il avait installé un sanctuaire dans Riposte et tout. Il y a tout un truc avec Palpatine et même dans Battlefront 2, je crois, non? Et on rappelle qu'en plus, ils vont là pour voir le vaisseau de l'autre bouffon qui était sur Jakku à la base. Donc pourquoi genre il n'était pas genre juste plus loin sur Jakku? Et vous savez quoi? En plus, ça aurait montré que les parents de Rey étaient bien morts sur Jakku au lieu de faire passer Kylo pour un gros blaireau. Et Kylo est le mec, parce que t'as la mère qui fait... La mère de Rey qui fait... Non, elle est pas sur Jakku. Non, d'accord. Vous la trouverez jamais. Et qui fait... Oh, zut. Et il crève. Bon, bah, j'arrive pas sans Jakku, alors. Bref. Ouais, je comprends pas pourquoi créer une nouvelle planète alors que... Et en plus... Bah moi, ce qui me choque, c'est visuel. C'est on a un désert, du sable jaune, et on a bien délimité une espèce de zone de cailloux marron dégueulasse. Mais genre, t'as l'impression que ça a été posé là, quoi. Déjà, ça va pas. Et tu es pas mal de géologues qui ont dû voir le film, ouais. C'est vraiment dégueulasse. C'est genre, ah bah là, il y a la zone normale, et puis là, c'est la zone sable mouvant. Elle est pas très grande en plus. Enfin, t'es pareil. Surtout qu'elle est pas très grande, la zone, genre c'est une tache. Ouais, c'est un bol de tomber. Et des sables mouvants désertiques, il en avait déjà fait dans l'épisode 7. C'est une zone de sable, du sable normal, mais qui est plus instable. On s'enfonce dedans, on tombe dans. Et ben là, non, il a pas fait ça. Il a mis des cailloux moches à la place du sable. Est-ce qu'on en mais parle... non, c'est des petits graviers de jardin zen, c'est sympa. Voilà. Est-ce qu'on parle de lui qui vraiment n'a pas réussi à trouver un complexe souterrain littéralement 4 kilomètres plus loin? Mais putain, Luc le gros naze. Mais ça, j'y viens. C'est sable mouvant. Alors, normalement, on est d'accord, ça fait tomber des objets vers le bas et c'est un petit peu liquide, hein, les sables mouvants. Bon, dans l'idée. Oui. On rappelle que Passana, à la base, ça devait être une planète marécageuse. Des sables mouvants, bon, de la vase, ça aurait été peut-être un peu plus logique. Ou alors, il aurait fallu changer en même temps que la planète l'idée. Mais bon, ça, on pas trop leur demander. À mon avis, les sables mouvants, c'est clairement. Enfin, ce passage est clairement un truc qui est resté de l'époque où Passana était encore un marécage. Mais je vois pas comment des sables mouvants, donc du gravier qui tombe, va t'amener dans une caverne où il n'y a pas les graviers qui tombent. C'est clair, genre, pourquoi c'est ça? Je dis, à un moment donné, les graviers, ils arrêtent de tomber. Normalement, c'est le plafond de la grotte, moi, je descends pas plus bas. C'est ça. Non, mais tu sais, l'espèce de plante d'Harry Potter, là. J'ai l'impression, ça fait vieux Picsou Magazine. Alors, je dis pas ça en disant du mal, hein, mais ça fait vraiment vieux truc d'aventure un peu foiré, vieille série d'aventure naze. Enfin, on tombe dans les sables mouvants. Oh, bah ça nous amène dans une caverne. C'est du manji, quoi. Et on va trouver des indices. Ouais, c'est un génial. Oui, ouais, enfin. C'est génial. Oui, c'est ce que je disais, c'est le truc, c'est une grande quête. C'est un MMORPG, mais où les PJ font toutes les quêtes secondaires, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler du meilleur avant d'aller voir le final, donc voilà. Est-ce qu'on peut parler du meilleur truc, c'est-à-dire qu'ils trouvent le mec qui est mort Et il était pas tout seul quand il est mort. Non, non, il avait aussi son speeder avec le truc de Mercedes, des sites là devant. Tu sais, comment ça s'appelle, le petit emblème des sites sur le devant, putain. Sans capot. Ouais. Le mec, c'est super discret, bravo l'assassin. Tu sais, t'as les mecs, c'est sur Assassin's Creed, mais sur l'avant de leurs chevaux, ils ont leur symbole d'assassin et tout. Tu sais, sur les côtés, il y a des flammes, et sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit genre site mobile, tu vois. Mais genre S1TH, tu vois. Genre. En fait, c'est le Joker de la série des années 60 avec sa grosse bagnole violette avec un rire devant. Non, mais... C'est trop ça. Comme les étudiants, c'est bonjour, je suis James Bond, l'agent secret 007. Et t'as. En mission d'infiltration. T'as BB-8 à ce moment-là qui est trop obsédé par les armes, tu vois, tu découvres sa vraie nature, le truc qu'il remarque, c'est « Regarde, il y a une dague là cachée dans le sable, prends la dague !» Juste avant qu'on parle du gros serpent, là pour le coup, dans cette scène, un moment qui me fait marrer, c'est le pot avec sa lampe torche. C'est rigolo, ça marche bien. Ah bon, mais j'étais tout seul. Non. Je dis que c'était rigolo, mais en vrai, il y a une petite gag un peu drôle dans le film. Moi, ils m'ont fait beaucoup rire, mais en fait, c'est tellement insignifiant par rapport au reste du film que ça fait rien du tout, à part être des gags random, quoi. Moi, je dirais juste que il y avait la même blague dans Rebels, voilà. Je me souviens pas comme ça, là. C'est quand ils sont sur la planète où il y a les espèces d'araignées dégueulasses, et ils vont dans les tunnels, et je crois que c'est Rex et Kanan. Il y en a un qui allume sa lampe torche. D'ailleurs, ça fonctionne mieux. Parce que d'abord, ils allument la lampe torche. Et après, l'autre, il allume son sabre laser. Alors que là, ils allument le sabre laser. Et là, le mec par-dessus, il allume sa lampe torche. Ça fait vraiment pour. C'est moi qui ai le kiki. regarde. Je peux faire, j'ai un kiki. Ouais, puis, Mais bon, après, t'as le droit de rigoler. C'est drôle la première fois. Bah, c'est comme tout le reste, comme je disais, ça t'arrache un sourire, mais voilà, c'est pas ça qui va sauver le film, quoi. Non, mais surtout, ça n'a aucun sens. Qui allume sa lampe torche comme ça, dans cette direction, t'allumes devant toi. C'est vrai. Non, mais voilà. C'est vrai que les sables, ils tombent pas, les sables mouvants. Ika, tu as raison, on parle de Harry Potter, puisqu'après, on tombe sur le basilic. Ouais. Ah, putain, mais... Bah, de toute façon, le film, est-ce que c'est pas juste chercher des Horcrux tout le long du film, hein? Bah, si ça avait été ça et que Palpatine, en fait, il avait juste son âme divisée en morceaux, moi je dis pas, ça aurait peut-être été plus intéressant en vrai. À la fin, tu découvres pareil, son dernier morceau d'âme, c'est sa petite fille, peu importe, ou c'est Rey, et là t'es genre, ah ouais, faut buter Rey, merde. Peut-être en sortant, t'es là genre, mais c'était Harry Potter. Là. Ouais, c'est ça. Il avait un nez, Voldemort, j'ai pas compris. Ouais, mais lui, il a pas de doigts, tu vois. Il a pas de doigts. C'est Ray Person à l'école des Jedi, en fait. Ouais. C'est Snoke. Snoke se retourne et il y a la tête de Palpatine derrière. Et, elle soigne le truc. Et c'est assez rigolo parce que y a plusieurs moments dans le film où Ray, elle fait des trucs. Et ça n'a aucune conséquence sur elle. Et quand quelqu'un d'autre fait la même chose, ça a des conséquences. C'est marrant. Si, elle a des fourmis dans la main. Clairement, elle a la main engourdie après. C'est genre, oh, ça chatouille. Je crois que tu avais bien aimé ce passage avec le serpent la première fois, Grushkov. Bah ouais, c'est bien. Mais enfin, je veux dire, il y a le reste du film autour. Ah oui, mais moi, en fait, j'ai pas compris. Ça sert à rien. Enfin. Bah si, c'est pour setup qu'ils peuvent se soigner avec la force. Mais plus tard, il prend un coup de blaster, pourquoi ils le soignent pas à ce moment-là? Parce qu'ils sont pas ensemble. Ensemble, mais bah écoute, parce que... Parce qu'elle l'aime en même pas, temps, parce que... Est-ce que toi, si t'étais Ray, t'aurais envie de soigner ce connard? Bah, je pense qu'il aurait bien les glandes après. Ouais. Mais Je pense qu'il serait guéri, ok, mais il aurait le seum. Non, c'est juste un setup. Et elle dit bien, je lui ai donné un peu de ma force vitale. Comme ça, Ben, il pourra mourir quand même à la fin.